Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue. Bonsoir également à nos invités. Et bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir d'être parmi vous. Merci de nous avoir invités. Bah avec grand plaisir. Nous avons Nagla Glaçon et Épercurien qui est également avec nous. Très heureux d'être là également. Ravi. Messieurs Nagla, Monsieur Curien, on va vous laisser vous présenter. Ah oui. Avec plaisir. Je commence ou tu commences ou allez. On commence. Tout nu, c'est pas. Allez, je commence. Moi, c'est Nagla, effectivement. Je suis la moitié de Rien que d'y penser et de Full Animé. Alors là, on est surtout invité en tant que Full Animé. Donc, Full Animé, c'est un podcast qui parle de films d'animation et où on prend un film à chaque fois et puis on doit déterminer si c'est du flan ou si c'est pas du flan. Et si c'est du flan, ça veut dire que c'est nul. Et si c'est pas du flan, ça veut dire que c'est bien. C'est ça, Curien, je me suis pas trompé ? Non, t'as dit l'inverse. T'as dit si c'est pas du flan, c'est nul. C'est vrai ? Je crois. Hein. Je suis un boulet. Arrêtez-moi. T'es sûr que je... Non, mais je pense que tu te trompes. Je pense que... Bref, il faut écouter, il faut l'animer. C'est vachement bien, il paraît, selon les personnes qui le font. Coup, et je le fais notamment avec Curien. Oui, parce que du coup, moi, je suis l'autre moitié. Allez, voilà, salut, merci. Pour voilà, super. Super. Alors, donc, ce soir, on vous a invité parce que nous allons parler, justement, d'un film d'animation Disney, hein, vu que c'est un petit peu notre bannière, notre croix, notre bannière, qui s'appelle La Reine des Neiges. Vous êtes fan de La Reine des Neiges, je crois. Ben oui, beaucoup. Oui. Ouh là là. Et, ben, voilà. Et donc, toi, Max, tu aimes La Reine des Neiges ? C'est pas mon favori, quoi. C'est sympa. On va dire que c'est très sympa à regarder. J'ai encore regardé tout à l'heure pour préparer ce live. Voilà, j'ai apprécié le regarder, mais c'est pas non plus le truc de la mort, quoi. J'ai quand même préféré le 2, on va dire. Qui est beaucoup moi aussi, mieux. Alors, moi aussi, étrangement. Mais on pourra en parler à la fin, je pense. Quand on fera l'ouverture, je pense qu'on va avoir des choses à dire. On peut commencer directement. La Reine des Neiges, c'est du flan, c'est pas du flan. Non, c'est pas du flan. C'est pas du flan. Indéniablement. Alors, rentrons directement dans le vif du sujet. Donc, La Reine des Neiges, film sorti en 2013, 53e classique d'animation Disney ou 128e production des studios. Réalisé par Chris Buck. Excusez-moi. Par Chris Buck et Jennifer Lee. Musique instrumentale de Christophe Beck, qui a entre autres fait les musiques instrumentales de Buffy, de Hangover, qui est comment en français, j'ai oublié le nom français de The Hangover. Very Bad Trip. Very Bad Trip, hein, parce qu'on est, on a l'habitude de traduire l'anglais en anglais. Mm. Paperman et Ant-Man. Et, donc l'homme papier et l'homme fourmi. C'est exactement. Non, du coup, non. D'ailleurs, mais je traduis. Traduis l'anglais par l'anglais. Est-ce qu'on peut signaler que du coup le film est réalisé par Chris Buck et la musique par Christophe Beck? À un moment donné, c'est le bordel. Je confirme. Je confirme totalement. Les chansons, elles, sont du couple Robert et Kristen Anderson Lopez. On en parlera plus en détail plus tard, ne vous inquiétez pas. Ouais, les Lopez, la calotte de tes morts, tout ça. Je sais. Pardon, vraiment, j'ai pas assez dormi et je me rends compte que je suis absolument dissipé. Je vais essayer de me focus. Ça va bien se passer. Les musiques ethniques sont de... Alors, il va m'excuser de mal prononcer son nom. Frode Fjellheim. Plein de blagues sur l'ethnique, s'il vous plaît. Je l'ai pas suivi. Non, mais il y a Nagla qui est mort de rire parce qu'il n'ose pas faire une blague sur ethnique, je pense. Non, c'est pas mon genre. Oula. Je pense qu'il se marrait du truc d'avant, je pense. Je sais pas, je suis perdu. Et la du coup, arrête de le couper, que rien, c'est pénible. Et inspiré du conte du même nom de Hans Christian Andersen. Il y a beaucoup trop de Anderson et Anderson et beaucoup trop de Christian, Christophe et Chris dans le tas. C'est clair. Ah ouais, mais c'est n'importe quoi, on est d'accord. Le film a coûté 150 millions de dollars et a rapporté un peu plus de 1,2 milliard. Metacritic de 74 sur 100 et Rotten Tomatoes de 89% quand même. Il aura plus tard une suite en 2019 et deux ou trois. Pourquoi t'as mis ou trois ? Parce que je sais plus. Il est bien ce conducteur. Parce que tout à l'heure, j'étais en train de me repréparer le live et puis j'étais persuadé qu'il y en avait trois. Sauf que sur Disney+, il n'y en a que deux. Il y a celui avec Olaf, celui de l'anniversaire. Et il y a celui des vacances givrées d'Olaf aussi. Oui, c'est ça, non ? C'est ça, donc trois. Parce que donc trois, disais. Celui de 2014-15 par là, celui de 2018 et celui qui est tout récent. qui dure environ 4 minutes, mais un quart d'heure sur Disney+. Oui, voilà. Ok. Comme beaucoup de films sur Disney+. La magie des cartons de doublage. Hein. C'est ça. Ah, ok. Et aussi une adaptation Lego, que c'est une chose que j'ai découvert en lisant tes recherches. Je ne sais pas qu'il y avait une adaptation Lego de La Reine des Neiges. C'est quelque chose que j'ai découvert en regardant Disney+. J'ai aperçu. Voilà. Il y a une mini-série de 5-6 épisodes, pas plus, sur les aurores boréales dans Disney+. Mais j'ai commencé à la regarder, je me suis aussi vite arrêté. Du coup, c'est bien sur Frozen et pas sur La Belle au Bois Dormant. Moi, j'allais partir sur un truc à base de « Et si le réalisateur, il est pas beau, est-ce que ça marche quand même ?» Tu vois. Mais tu vois, je me suis retenu, c'est la différence. C'est un film d'horreur ou d'horreur ? Je comprends plus rien. On est vraiment désolé, on est dissipé. On va se calmer à un moment donné, non, ça va aller vachement mieux. Ça donne une bonne ambiance pour le démarrage. C'est bien, c'est cool. Pour répondre à ta question, et par curieux, tu disais, est-ce qu'on aimerait faire l'émission en podcast ? Non, je pense que le live est très très bien juste pour ça. Et après, on fera un best-of juste des blagues, des moments drôles. Max va nous raconter un petit peu plus de choses. Oui, comment La Reine des Neiges est arrivée chez Disney ? Il faut savoir que La Reine des Neiges, c'est un petit peu le dessin animé de l'impossible chez Disney jusqu'en 2013. De l'époque de Walt Disney, il a voulu le mettre en scène lors d'une rétrospective sur Andersen. C'est un film mélange entre des prises de vue réelles où est-ce qu'on montrait Andersen et puis des animations sur les différents contes de Andersen, en collaboration avec Goldwyn à l'époque. Ça n'a pas été abouti parce que c'était très difficile de mettre en scène La Reine des Neiges à l'époque. Et puis à cause de la guerre, Disney a commencé à se focaliser sur les courts-métrages de guerre. Sauf que Goldwyn a quand même sorti cette rétrospective tout seul en remplaçant l'animation par de la comédie musicale. Ensuite, durant ce second âge d'or, il y a eu le succès de La Petite Sirène, qui a été écrit par Andersen, et ça a donné envie au studio en fait, d'adapter La Reine des Neiges. Alors le premier problème qu'ils ont voulu s'y mettre, c'était le départ de Glenn Keane pour les studios de Sony. Le deuxième problème, c'est que ça a été laissé aux frères Brizzy, qui sont les frères jumeaux animateurs en France. Donc ça a été laissé au studio Disney de Montreuil, mais le talent français n'était pas au rendez-vous. Ah ouais. Je croyais qu'on avait du pétrole et pas d'idées, ou l'inverse, ou je sais pas, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? En vrai, les studios de Montreuil, ils ont fait des trucs cool. Ils ont fait Dingo et Max, ils ont fait Picsou et La Lampe Perdue, tu vois. Voilà, on y vient. Voilà pourquoi c'est bien les studios de Montreuil, c'est parce qu'ils ont fait Picsou et La Lampe Perdue. Et donc ça a été laissé aux frères Brizzy, mais donc le temps en français n'était pas au rendez-vous. Et le troisième problème, c'est qu'après ça a été laissé à Dave Guts, qui était déjà directeur. Ouais. C'est un vrai problème avec les noms. Facile à dire, Martin, c'est bien Martin. Donc Dave Guts, déjà directeur artistique pour Le Bossu Notre-Dame, puis sur Atlantide, et puis beaucoup plus tard sur Les Robinsons et Réponse, ainsi qu'à. Pardon. À Dick Zondag. Ah bah ouais, voilà. Le mec il s'appelle Dick, tout de suite ça rigole. Alors, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais. T'es cru ou tu t'es au collège? Ah, pardon. Dag, c'est pas le soir en allemand ou un truc du genre. Dyke. Il s'appelait Dyke. Dyke Zondag. Oui, Zondag. Il y a Dick Van Dyke et il y a Dick Zondag. Non, mais ça. Pas le même. Faut pas les confondre. Qui était animateur sur Dinosaur, sur Chicken Little, sur Robinson. Sur les aventures d'un Robinson, même. Oui. Ou un truc comme ça. La famille. Un truc Robinson. Oui, la famille Robinson. Et puis sur Volt. Alors, ce gars, il a quand même fait animateur sur 4 films, dont 2 dubs, un peu mitigé, et puis un quatrième qui est sympathique. Moi, je vois 3 dubs. C'est lequel le sympathique ? Le sympathique, c'est Volt. Ah, bon, il est plus que sympathique, mais je te remercie. Dinosaure, j'étais fan à l'époque. J'avais même le jeu vidéo sur Game Boy Color. Il est bien, hein ? Ah ouais, t'es des fan de Dinosaure. Non, fan. Oui. J'aimais bien, quoi. Bah, t'as dit fan. Je ne fais que répéter ce que tu dis. Hein. Avec les blagues de Jamel Debbouze en VF qui étaient incroyables. Oh putain! Sur le pire VF de l'histoire. Hein. Mais Volt, c'est vachement bien. Un chat, un chien et un rongeur. C'est la recette du bonheur. Merci! Puis Chicken Little et Robinson, on passera. Robinson, ça va en vrai. Ça va. Les seuls avantages de Jake Nuttall et le truc des Robinson, c'est que ça fait des personnages rares à Disney. Oui, voilà. Oui, oui. Est-ce que c'est vraiment un avantage, ça? Ça occupe des gens. On n'ira pas plus loin sur les personnages rares. Moi, je n'ai pas encore de communauté, j'ai pas envie de me le mettre à dos. N'est-ce pas, Nagla? En 2008, John Lasseter devient directeur créatif des studios Disney et il demande à Chris Buck, donc qui avait fait Tarzan, qui était reparti pour faire les Rois de la Glisse ailleurs. Et dans mon conducteur, j'écris qu'il a été scénariste sur l'excellentissime Pocahontas. De revenir chez Disney et de lui proposer des projets. Et donc Buck, dans ses projets qu'il propose à Lasseter pour titiller un peu le truc, c'est qu'il propose une version de la Reine des Neiges en 2D sous le nom de Anna and the Snow Queen, qui était vraiment inspiré, lui, du conte original d'Andersen, où en fait, la Reine des Neiges, c'est la méchante. Ce nom existe toujours aujourd'hui, il est encore utilisé. Voilà. Où ça? En japonais. Ah! Voilà, ah bon. C'est probable, mais c'est comme ça que ça s'appelle là-bas. D'accord. C'était un beau fun fact. Le 2, pareil. En 2011, il y a la relance du projet après le succès de Réponse. Et en fait, Disney a annoncé en 2011-2012 Frozen, donc la Reine des Neiges, en images de synthèse et en stéréoscopie 3D. Et l'arrivée du couple Anderson-Lopez en janvier a vraiment lancé la machine. Alors, est-ce que vous vous souvenez Est-ce que vous vous souvenez, vous, de justement ces annonces? Je me souviens très bien des concept art qu'ils avaient sortis. Est-ce que vous vous souvenez à ce moment-là ou pas? Je me souviens pas des... À l'époque, je m'en foutais. Je me souviens pas des concept art. Je me souviens des retours des fans à l'époque qui étaient désastreux parce que ça se savait en fait qu'il y avait un projet en 2D. Ça n'avait pas été annoncé forcément, mais ça se savait. Et du coup, le switch à la 3D avait été hyper mal vécu parce que c'est un peu le moment où les gens se sont dit « Ok, ça y est, la 2D, c'est mort ». La princesse et le grenouille, ça n'a pas marché. Réponse à cartonner, du coup, ils vont pas chercher plus loin. Ils vont pas se dire que juste la princesse et le grenouille, c'était un cas à part ou c'est compliqué. Non. On repart sur la 3D et basta. Et du coup, c'était assez clivant, quoi. Les gens étaient vraiment vénères. Après, j'avoue que je me souviens plus trop des concept art de l'époque. J'ai eu un peu cette pensée-là à l'époque. Parce que, on l'a tout eu, hein, je l'ai eu. Oui, parce que c'est vrai que quand tu fais la princesse inconnue qui marche plutôt bien en 2D, les films en 3D avant chez Disney, ben ça a été Chicken Little, les Robinson et puis Volt sur les trois. Fais gaffe, c'est quand même pas des grands succès. Fais quand même hyper gaffe à ce que tu dis. Volt est hyper bien. J'étais pas au courant. Ils ont fait une suite, ça s'appelle Ampère, mais de quoi tu parles, quoi. J'adorerais que dans un Volt 2, il y ait un autre personnage et qu'il fasse « Je suis tempère », tu vois. Ce serait magnifique. Et donc, le problème en 2011, ça a été surtout de résoudre le fait que la Reine des Neiges était un personnage qui était un antagoniste. Ils se sont résolus par le fait qu'Anna devient la sœur d'Elsa. Et l'anecdote, c'est pour comprendre le lien des sœurs, il y a eu un gros brainstorming chez Disney avec toutes les employées EES qui ont eu une sœur, qui ont encore une sœur, ou qui avaient une sœur. Pour savoir comment leur lien avec leur sœur se passait, pour essayer de comprendre le lien entre Elsa et Anna. Les liens de sororité, finalement. Alors, j'ai appris ce mot il n'y a pas longtemps et je l'aime bien. D'accord. Parce qu'en fait, c'est fraternité, mais pour les sœurs. Oui, oui. Donc ça fait sororité. Ah. Bah, personne ne relance, moi je continue. Le deuxième problème, ensuite, c'est qu'il y a une scénariste qui a travaillé avec le couple Anderson Lopez. Ils ont travaillé une chanson, mais elles n'ont pas du tout fonctionné. Mais le scénario, en fait, n'a pas fonctionné. Donc, toutes les chansons que le couple a composées, a écrites, ont été virées. Et puis, le scénario est reparti de zéro. Et pour le truc, si vous voulez entendre ces chansons, elles sont sur la version deluxe de La Reine des Neiges. Oui, c'est... Okay. Les chansons coupées qui sont extrêmement intéressantes. Et d'ailleurs, même si tu vois, enfin, ils disent c'est toujours un petit peu la formule, tu sais, le scénario repart de zéro. En réalité, tu sais très bien que c'est pas vrai. C'est-à-dire que oui, dans les faits, ils vont revoir toute l'histoire, mais beaucoup d'éléments ont été gardés et les personnages que t'as conçus grâce à tes chansons notamment, tu vas pas le réinventer forcément de A à Z. Et t'as pas mal de chansons comme ça, que ce soit dans Frozen 1 et même dans le 2 un petit peu, qui sont intéressantes en fait parce qu'elles enrichissent l'histoire, parce que tu sens que c'est des trucs qui existent vraiment dans le film, qui ont juste pas forcément été mis à l'image parce que pas le temps, pas la possibilité, mais ça paraît assez logique, tu vois. Enfin, t'as The Air and the Spare, je crois, notamment, qui est sur la caractérisation de Anna, qui est vachement un peu dans l'ombre d'Elsa, tout ça. Donc, c'est des choses qui ne sont pas forcément importantes dans le film, mais qui sont un peu sous-jacentes et qu'on voit peut-être même un peu plus dans le 2, notamment. Je pense aussi au Spring Pageant, un truc du style. Donc, en gros, l'espèce de petite... De petits spectacles de comédie musicale que les gamins font avec leurs profs, donc un peu leur Max Sax local. En fait, il explique toute une malédiction autour de Frozen d'un cœur gelé, d'un Frozen Heart. Et c'est quelque chose qui revient énormément dans le film, notamment parce qu'il y a eu une chanson Frozen Heart qui existe et que son thème revient souvent quand Elsa fait des trucs un peu limites. Du coup, c'est des choses qui sont restées en fait, même si c'est plus du sous-texte que vraiment le cœur du film. Et même sur le point de vue écriture musicale, au-delà du texte, c'est souvent les mêmes mélodies en fait, c'est les mêmes constructions. Il y a très peu de choses qui changent entre les versions que nous on connaît maintenant et celles de l'époque. C'est à peu près les mêmes rythmes, les mêmes. Ouais, c'est du recyclage de fainéants, c'est ça que tu es en train de nous expliquer. Oui. Et pour finir, en mars 2012, il y a eu l'arrivée de Jennifer Lee qui finissait de travailler sur les mondes de Ralph et en fait qui a Disney lui a demandé d'aller observer et de rapporter tous les travaux qui sont en train d'être faits par les autres équipes créatives chez Disney. Et lorsqu'elle a fait son petit tour des différentes équipes créatives, elle a remarqué en fait que l'idée de cœur gelé était partout. Et c'est à partir de là en fait que le scénario serait vraiment construit tel qu'on le connaît maintenant. Et donc voilà, maintenant je pense qu'on peut passer à l'histoire, ça va beaucoup plus vite. Je vais vous conter une histoire, l'histoire de la Reine des Neiges. 3 ans après la mort de ses parents, Elsa va se faire couronner en plein... Vas-y, dis-moi. Je peux te couper 2 secondes juste avant. Le résumé que j'ai fait, c'est mon résumé. Ah ouais ? C'est pas Wikipédia, tout ça. Donc, fais attention, peut-être parfois tu pourras avoir des surprises au niveau du vocabulaire. Oui, hein, on est d'accord. Ok, attends, on va te faire couronner. 3 ans après la mort de ses parents, Elsa va se faire couronner en plein juillet, reine d'Arendelle, accompagnée par sa sœur Anna, heureuse de cet événement qui lui permettra de revivre. Seulement, après avoir annoncé qu'elle se marie avec Hans, le prince des îles du Sud, qu'elle vient de rencontrer, cette dernière provoque la colère d'Elsa qui révèle ses pouvoirs à son peuple. Elle peut contrôler la glace, le froid, ce qui provoque un hiver en plein juillet. Culpabilisant, Anna part à la recherche d'Elsa, qui s'est construit un palais de glace dans la montagne pour y vivre seule et libre. Anna y rencontre Christophe, un vendeur de glace adopté par des trolls. Alors, le vendeur de glace, vraiment. Avec sa petite camionnette, là. Anna y rencontre Christophe, un vendeur de glace adopté par des trolls qui la guide vers ce palais. Alors, en pleine discussion entre sœurs, Elsa blesse Anna et lui gèle le cœur de manière progressive. Hans, pour sauver Anna, emprisonne Elsa et dévoile son plan. Se marier avec une héritière afin de devenir roi, parce qu'il ne montera jamais sur le trône de son royaume. Et oui, car il a plusieurs frères avant lui. Aidé de Christophe et Olaf, un bonhomme de neige imaginé par les sœurs enfants, Elsa s'évade, sauve sa sœur et restaure la paix à Arendelle. Donc nous avons plusieurs personnages. À chaque fois, on va vous dire un petit peu par qui ils sont doublés et je vais vous dire un petit peu ce que ces doubleurs ou doubleuses ont fait auparavant. Elsa, donc reine d'Arendelle à la mort de ses parents, a des pouvoirs magiques. Elle est sa propre ennemie. Elle fuit Arendelle vers la montagne du Nord quand le peuple apprend ses pouvoirs. On l'a déjà dit qu'ils sont dangereux car mal contrôlés. Elle blesse sa sœur lorsque cette dernière l'aide. C'est la confiance et l'amour de sa sœur qui vont la sauver. Elle est doublée par Idina Menzel en anglais. Idina Menzel, alors... Là, on en avait déjà un petit peu parlé avec Max. Déjà, juste une question avant. Nagla et Parcurien, est-ce que vous l'avez vu en français ou est-ce que vous l'avez vu aussi en anglais ? Oui. Oh, je l'ai vu dans les deux langues. Les deux. Oui. Les deux, très bien. Donc, Idina Menzel, elle est très connue pour avoir joué dans des comédies musicales, surtout, bien entendu. Rent, Wicked, surtout Wicked. Et d'autres comédies musicales comme If Then, par exemple, et autres. Idina Menzel, pour certaines personnes, dont moi, elle est un petit peu surestimée. Il suffisait, par exemple, de voir, elle a fait un live, justement, où elle chantait Let It Go, et où c'était faux à souhait. Bah moi, j'ai pas eu l'occasion de la voir en live en train de chanter Let It Go. Après, voilà, il peut arriver, hein, voilà, tu t'es mal réveillé, t'as pas eu le bon café, machin, on te dit vas-y, chante Let It Go. Elle est là, elle fait, oh, ça fait 35 fois ce mois-ci. Et puis elle essaie de chanter, et puis ça se passe mal, tu vois. Ça, bon, ça veut je pas dire. C'est Oscar, d'ailleurs. Je crois que c'était aux Oscars. Oui, bah justement, et aux Oscars, quand ils rentrent, je peux dire que, elle s'est envoyée 2-3 bouteilles avant. Bah, oui, voilà, c'était pour ça. Voilà, mais je sais pas. Moi, j'essaie de trouver des excuses. T'es gentil. Un peu. Voilà, moi, je suis pas un grand fan d'Ina Menzel. En enregistrement, elle est excellente, mais souvent, à chaque fois que je la voyais en live, j'ai jamais. Ah, c'est arrivé plusieurs fois. Ouais, c'est arrivé plusieurs fois. Bon, alors effectivement, peut-être qu'il n'y a pas d'excuses. Delva, hein, je crois. Il me semble qu'Anaïs Delva avait très très mal chanté cette fois-là. Je sais pas du tout. Mais en parlant d'Anaïs Delva, donc doubleuse française d'Elsa, elle, pareil, elle a fait beaucoup de spectacles musicaux, la reprise de Roméo et Juliette, Dracula, l'amour, excusez-moi, plus fort que la mort, Spamelot et d'autres choses, pas mal de comédies musicales pour enfants, et également, je crois que vous l'avez je suis théâtre. T'as dit quoi ? Juste, parce que du coup, c'était pas Anaïs Delva, c'était Charlotte Hervieux, je crois. Charlotte Hervieux, mais elle avait fait ce truc-là, justement ? Eh oui, ouais, puisque okay. Pas Anaïs Delva, du coup. Donc, c'était moi, pardon. Pas de problème. Anna, princesse d'Arendelle, rêve d'être avec sa sœur depuis que cette dernière l'a blessée à cause de ses pouvoirs, tombe amoureuse d'Hans, qui est intéressée par Arendelle plus que la Belle Rousse. Plus que la Belle Rousse, excusez-moi. La Belle Rousse, d'accord. Bah alors, Max. D'accord. C'est là qu'il fallait peut-être pas tout lire ce que j'ai écrit. Ouais, on est d'accord, ça va être long, c'est non. Hans essaie de l'achever en accusant Elsa qui la sauve, en lui montrant qu'elle l'aime et qu'elle lui fait confiance. En anglais, c'est Kristen Bell. Kristen Bell, vous la connaissez si vous avez vu Veronica Mars, The Good Place. Ou alors si vous avez regardé Gossip Girl, qui faisait la voix de Gossip Girl. Exactement. Bien sûr. Ou alors, si vous avez regardé le film musical Reefer Madness, où elle est en train de fumer de la avec plaisir. Et où elle fait un sacré jeu BDSM, mais ça, c'est une autre histoire. Je vous invite à regarder. Redis-moi le nom du film, juste pour. Et c'est là que je peux sortir la blague que j'ai vue tout à l'heure de Nagla. Oh merde. Si je laisse une ancienne actrice classer mes affaires, est-ce que Clara m'organise ? Ah oui. J'ai coupé des mots dans la blague. Du coup, quand tu dis BDSM, ça veut dire qu'elle fait une bande dessinée dans le film ? Exactement. Dans Space Mountain. Oui. Dans Space Mountain. Bien rattrapé, très bien rattrapé. En français, c'est Emilou Holmes qui, pour le coup, n'était pas encore très très connue. Hein, elle était très jeune, je crois, quand elle avait fait ça. Mais pour ceux qui sont plus tard... Elle avait 3 ans, ce qui était effectivement un peu jeune pour faire une voix. Bon. Mais à la fin, on s'en sort, c'est le principe. C'est elle qui fait le chant de Belle dans le live-action La Belle et la Bête. Et pour ceux qui regardent Wakfu, j'ai juste vu ça parce que peut-être qu'il y en a qui regardent Wakfu ici, elle fait la voix de Coqueline. Ah oui, d'accord, très bien. C'est 2 épisodes Coqueline, donc en vrai, c'est pas hyper important. Mais quand même, c'est quelque chose. J'ai vu ça, je me suis dit, peut-être que les gens connaîtront. Elle a fait Marnie dans Souvenir de Marnie des studios Ghibli aussi. Oui. Ah oui. Comme tu dis toujours pas dans Souvenir de Marnie. Dis pas Ghibli. Regarde pas, c'est du flan. C'est très bien. Il y a un podcast flan sur les souvenirs de Marnie. C'est vrai. Pour info. Faites d'autres pubs, allez-y. Le fameux vendeur de glace qui aide Anna à retrouver sa sœur dans la montagne du Nord, la sauve lorsqu'elle est blessée et l'embrasse à la fin. J'adore le résumé. Max, c'est extraordinaire. En fait, j'étais là tout à l'heure, j'ai regardé les films, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire de plus sur Christophe ? À part qu'il sauve Anna, et puis en fait, il veut... Il a un trouble de la personnalité aussi. Ça, on en parle pas suffisamment, mais manifestement, il est bipolaire, et il s'invente une vie avec un renne, quoi. Et surtout, il s'invente le renne qui parle, quoi. C'est quand même pas mal. Oui, non, mais je pense qu'il a deux, trois soucis. Sur le renne, j'ai un truc à dire sur le renne pour le doublage. En anglais, c'est Jonathan Groff qui l'a fait. Jonathan Groff, c'est dans Spring Awakening, d'Anglie, hein, sinon. Et pour ceux qui ont Disney+, dans Hamilton, c'est lui qui fait King George. En français, du coup, c'est le bien connu Donald Renew, qu'on n'a plus vraiment besoin de présenter. C'est le grand connu du doublage depuis 1992. Il a doublé Titeuf, il double tous les films de Jason Heisenberg, de Channing Tatum, de Andrew Garfield, etc. Andrew Garfield, si vous le savez, c'est Spider-Man dans les derniers Spider-Man. Dans celui d'avant. Dans les Amérique. Oui. C'est la voix du narrateur dans Disney Infinity. Putain, il y a des refs. Et c'est aussi un très mauvais chanteur, voilà. Ah bah boum. C'est aussi un collègue très sympa de là où je travaille. Je le salue si jamais il passe dans le coin. Ce matin, on va lui dire pour un agent au bureau. Non, je le vois rarement. Olaf, le bonhomme de neige, souvenir d'avant l'accident. Pardon. Souvenir d'avant l'accident. Ah oui, c'est oui, oui, c'est pas faux. L'accident, elle a... Il y a eu 2-3 soucis, il y a eu un bail. Oui, c'est vrai. Veux vivre en été, un peu le miroir d'Elsa en rigolo. Et bah, miroir très déformé, hein. Elsa veut vivre malgré son handicap. on va mettre les guillemets. J'ai mis les guillemets. N'oublie pas Josh Gad. Josh Gad, justement, on va en reparler un petit peu. J'en reparlerai dans les comédies musicales parce qu'il a été un rôle principal dans The Book of Mormon. Et aussi, pendant le doublage, il faisait énormément d'improvisation. Il m'a beaucoup fait penser du coup à Robin Williams et son génie dans Aladdin. Il paraîtrait aussi qu'il a été impliqué. Pour ça, je l'ai pas écrit dans le résumé d'avant. Il avait été impliqué depuis très longtemps dans le projet La Reine des Neiges. Donc lui, en fait, il suivait un petit peu l'intérieur du projet. Je pense que c'est grâce justement au compositeur. Nagla, je t'ai vu faire une tête... Non, c'est pas ça. Non, mais oui, c'est un peu Robin Williams, éco plus. Bon, oui. Oui, un petit peu Robin Williams. Okay. Mais voilà, ce qui est sympa, c'est qu'ils l'ont laissé improviser pour faire ce qu'ils voulaient. En fait, j'ai plus un problème avec le personnage qu'avec l'acteur. L'acteur, ça se trouve, il est très bon, je dis pas le contraire, mais voilà. Je peux comprendre. Après, ils ont toujours dit que Olaf était vachement inspiré de Josh Gad et vice-versa, que c'est lui qui a beaucoup, beaucoup imprégné au personnage. Du coup, tu as un petit peu contre l'acteur. À Pixar, vice-versa. J'en étais sûr, putain, cette blague. Mais non, mais je comprends rien, moi. C'est nul, monsieur, arrêtez. J'en étais sûr, la blague. J'attendais le moment où il allait la faire. Attends, en français, donc, c'est Danny Boone. Mais voilà, Danny Boone, on le connaît. Hein. Mais il a surtout repiqué au final, enfin repiqué à cause de problèmes pécuniers, hein, vu qu'il fallait bien avoir une tête d'affiche. Danny Boone a remplacé Emmanuel Curtil. Aurait été bien. Bah, il est dans le doublage depuis 89. C'est lui qui double Jim Carrey, c'est lui qui a doublé Simba, c'est lui qui double Sacha Baron Cohen, etc. Donc je me dis que... Ouais, il aurait été bien, quoi. Il aurait été bien. Et Curtil a au final fait les chansons dans l'album, c'est mais ça. Pas dans le film. C'est ça, d'accord. Ils ont gardé la voix magnifique de Danny Boone dans le film. Bah, on a tous envie d'entendre Danny Boone chanter. Alors, accessoirement, sa version de En été, je l'ai préférée dans le film à l'album, étrangement. Après, est-ce que En été, c'est pas de base nul? Si. Non, parce qu'en anglais, elle est très bien. Ok, si vous voulez. Le Sven, sa bio est très longue, je vous préviens. Oui, mais attention. Hein? Mais c'est le reine. C'est ça, j'ai fini. Un reine. Il n'y a même pas un truc comme quoi c'est un reine des neiges. Oh, puis... Bah, c'est vrai. Ça aurait été parfait. Doublé par Frank Welker. Frank Welker qui est un grand nom du doublage, je vous le dis. Vous allez peut-être reconnaître qui il a doublé. Scooby-Doo, Garfield, Abu, Fleet dans Pocahontas, Pégase. Des animaux, quoi. Je connais aucun. Pégase dans Fantasia, du coup. Non, Pégase dans Hercule, hein. Ah, Hercule Poirot, il y a un Pégase dans le monde, je sais pas. Oh mon dieu. Non, mais celui-là, il fait que des voix de. Que des bruits d'animaux, quoi. Il fait beaucoup, beaucoup d'animaux, exactement, ouais. Et enfin, Hans, le méchant, prince des îles du Sud, profite de la naïveté d'Anna. Alors qu'il la protège de sa sœur, on apprend plus tard qu'il le fait par profit, parce qu'il est loin de faire l'unanimité dans son royaume. Doublé par Santino Fontana, qui avait joué Tony Elliott dans Billy Elliott sur Broadway, et qui est accessoirement l'un des rôles principaux dans Crazy Ex-Girlfriend. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous ne connaissez pas, je vous le conseille, c'est très sympa. Oui, tout à fait. Doublé en français par Guillaume Beaujolais, qui coécrit des comédies musicales pour enfants, tout ce qui est Kid Manoir, Robin des Bois, ceux qui connaissent les comédies musicales connaîtront, et qui était dans le fiasco Shrek, nom, malheureusement. Guillaume Beaujolais. je ne connaissais pas ce gars, il était nouveau pour moi. Bah oui, Impeccable, Guillaume Beaujolais. Je veux dire, c'est... moi, je veux que tous les films, il y ait Guillaume Beaujolais dedans. Et à chaque fois qu'il y a un enfant qui naît, ils chantent tous « Le Beaujolais nouveau est arrivé ». Évidemment. Putain, t'imagines dans les maternités. Et accessoirement, alors vous allez vous marrer, mais c'est lui qui faisait lumière dans le live action de La Belle et la Bête. Du coup, c'est lui qui sabre le champagne. Allez. Donc, Max, les chansons sont écrites par le couple Anderson-Lopez. Peux-tu nous en dire plus? Bien sûr, elles sont écrites par le couple Anderson-Lopez et la musique instrumentale est écrite par Christophe Beck. Donc, Christophe Beck, c'est un compositeur de musique de film qui a écrit près d'une quarantaine de musiques de films, dont Very Bad Trip et puis Paperman. Et puis, en fait, il n'a pas fait grand-chose. Si, Ant-Man, je crois, mais il n'a pas fait grand-chose de plus intéressant sur le point de vue cinématographique. Je crois que c'est lui qui fait les musiques de WandaVision. Notre équipe de fact-checkers est à l'affût pour vérifier la moindre petite actualité. C'est ainsi que l'on reconnaît les vrais professionnels. Nous avons toute une cellule composée de 25 personnes chargées d'être connectées sur les internets. J'essaie de meubler pour quand vous cherchez. Vrai, c'était vrai. Bravo. Et c'était vrai. Notre équipe de fact-checkers reviendra pour une actualité toujours 100% vérifiée. Donc, il y a 9 chansons en tout dans La Reine des Neiges, dont une reprise. Je vais dire en français, parce que j'ai dit que je commencerais à regarder les films en VO pour préparer les lives, mais au final, j'ai encore fait en français. Il y a Cœur de glace, Je voudrais un bonhomme de neige, Le renouveau, L'amour est un cadeau, Libéré, délivré, Le chant du renne, En été, La reprise du renouveau, et Nul n'est parfait. Il y a aussi deux notes musique vocale. Il y a Vueli, composé donc par le monsieur de chez IKEA. Et le deuxième, c'est Heimer Hahn. Eh oui. Heimer voilà. Arnader. Je me tape toujours les noms. Moi j'ai lu Amandalir. Vous allez me dire que j'ai un problème, mais pour moi, c'est écrit Amandalir, votre truc. Je pense que si Amandalir venait à chanter là-dedans, ça serait moche. Et c'est composé par Christophe Beck. Elles sont, je trouve, quand même dans le style. J'ai eu du mal à me convaincre de ça, mais c'est au fur et à mesure d'écouter La Reine des Neiges depuis 2013 que je commence à m'en convaincre. Elles sont vraiment dans le style des comédies musicales, sauf Libéré, délivré, qui est une chanson pop à deux balles. Pour moi, c'est vraiment le film où il y a le plus cet aspect comédie musicale à fond. Il y a vraiment un côté Broadway, particulièrement si tu vas sur la reprise du renouveau. Oui. Qui est je pense, dans un film Disney à ce moment-là, d'avoir un truc comme ça. Est-ce que je peux me permettre une question d'inculte? Bien sûr. Comment est-ce qu'on fait la différence entre une chanson comédie musicale et une chanson pop à la Libéré, délivré? Qu'est-ce qui fait que Libéré, délivré, c'est une chanson pop de merde et que les autres, eh ben non? 4 accords. Et voilà, t'as la chanson. En fait, t'as 4 accords qui tournent en boucle. D'accord. Alors que le renouveau, il y en a vachement plus. Voilà, il y a beaucoup plus d'accords. Il y a, en fait, il y a une construction un peu plus narrative aussi. C'est ça. Une chanson de comédie musicale type Broadway, donc vraiment de vrai musical, est censée faire avancer l'action. D'accord. Parce que c'est vrai que quand on regarde Libéré, délivré, alors ça explique la psyché de Elsa à ce moment-là, ça fait avancer son personnage, c'est hyper intéressant aussi. Mais littéralement, la séquence commence et se termine, c'est un clip en fait. C'est ça. T'as la musique qui commence, elle fait ses trucs, etc. La porte se ferme, c'est terminé et genre. Là où ça fait un peu avancer l'action, c'est ça peut-être. Elle construit voilà, c'est le personnage à la limite. Oui, parce que elle passe d'une fuite à une revendication finalement. C'est ça. Donc, pour moi, il y a quand même quelque chose qui. Il y a quelque chose quand même. Je trouve pas que c'est juste statique. Mais c'est vrai que quand on y réfléchit, c'est littéralement. On change de scène par un fondu. Si je raconte pas de conneries au début de cette scène-là, t'as un fondu sur Elsa. Oui. Et boum, les premières notes de piano, elle se met à chanter. Et ça se termine. Blam, la porte est fermée. Fin de la chanson. Donc c'est littéralement. T'as zappé sur MTV, quoi. C'est ça. Ouais, après, elle a construit un palais, quoi. Enfin, mais bon. J'avais construit un château. Non, mais elle a fait des trucs, je dis pas, mais c'est vrai que je comprends ce truc-là. Alors que le renouveau, c'est pas du tout ça, quoi. C'est ça commence par un truc, ça se termine, elle est dans un bateau, voilà, il se passe des choses. Donc il y a l'idée de leitmotiv qui est quand même présent dans le film, mais de manière beaucoup plus discrète que, par exemple, dans La Belle et la Bête, ou même dans L'étrange de Monsieur Jack, pour faire référence à nos anciens lives. Mais en fait, c'est un problème qui vient des créatifs. C'est qu'à partir du moment où le compositeur il sera différent, le compositeur d'instrumental sera différent de celui des chansons, il y aura toujours moins de références aux chansons dans les instrumentales parce que tu as l'impression qu'ils ne travaillent pas ensemble. C'était le problème du Roi Lion. Après, eux, ils ont l'habitude, les Lopez, de travailler avec un compositeur. Hein. Ils font ça souvent aussi sur Coco. Et. Je trouve pas que ce choque plus que ça, puisqu'il y a quand même, comme tu dis, des motifs, tu vois, genre Frozen Heart installe un leitmotiv qui derrière revient beaucoup, beaucoup dans le film. Et c'est un des seuls. Il y en a trois en tout, trois ou quatre qui sont utilisés dans le film, mais Frozen Heart, c'est le principal, et en fait, il revient pas tant que ça. Il est évoqué des bouts. Et ben tu vois, tu me fais clairement ma transition. On va parler de ce leitmotiv. Donc, Frozen Heart, le cœur de glace, c'est l'ouverture du film, c'est le thème d'Arendelle, de la région et du froid. En fait, cette mélodie, ce motif du début revient dès qu'on parle d'un de ces sujets. C'est un côté musique populaire, pas populaire, reconnu, célèbre, tout ça, mais populaire qui vient du peuple, grâce à la modalité, qui est un concept encore plus difficile. En fait, la modalité, c'est le fait, des fois, d'utiliser une note qu'on ne devrait pas utiliser pour pouvoir faire une nouvelle couleur harmonique. Du coup, donc, par exemple, vas-y. Par exemple, je sais pas, on va avoir un truc comme ça. Et puis, au lieu d'avoir, comme on pourrait l'entendre, on va avoir... Et puis, ça donne une nouvelle idée, un peu plus tourmentée, tout ça... C'est très utilisé. Sombre. Oui, populaire. C'était plus sombre. J'en ai eu des frissons. C'est vrai. C'est un peu le thème du live. Le frisson. Punaise. Ah, parce que oui, d'accord, j'ai compris. Ah, bien. Non, elle est bien. Elle est bien. Elle est bien. Et donc, en fait, la mélodie, elle se construit en deux parties. On a la première partie. Hein. J'ai coupé la réserve, mais elle ne s'est pas coupée. Ça c'est la première partie de la chanson, c'est celle en fait qui revient principalement pour parler d'Arendelle. Elle sera jouée dès qu'on voit le château d'Arendelle, et principalement en majeur. On est parlé de mineur, majeur. Majeur c'est joyeux, mineur c'est triste. En général dans le film ça fait... Principalement dans, je crois, la piste Coronation Day dans l'album. Okay. Qui montre comment toute la ville est en fait à l'idée de savoir qu'on va ouvrir les portes du royaume. Et la mélodie se poursuit avec un... Oui. Alors. C'est affreux, c'est de pire en pire. Et ça, c'est par contre le motif du froid, mais du froid un peu négatif. Dès qu'on va parler du froid qui attaque les gens, qui fait du mal à quelqu'un, mais qui fait du mal à quelqu'un par la pensée ou par le physique, on va entendre... Le froid, quoi. Voilà. ce mal. Et surtout le... Tu l'as notamment, c'est sombre, quand t'as Anna qui apprend à Elsa que tout Arendelle est gelé, effectivement, ou des trucs comme ça. Et puis qu'au final, elle est elle-même attaquée par un picot de glace d'Elsa, et puis qu'elle sombre, elle chute. Ensuite, on passe à Je voudrais un bonhomme de neige, avec ce très jolie introduction, que là j'ai travaillé normalement, donc ça va être plus réussi. Je voudrais un bonhomme de neige. C'est la chanson du lien entre les sœurs. Elle se divise en trois grandes parties. La première, c'est dans l'aigu, c'est ce qu'on vient d'entendre, avec les mélodies, des petites références, hein. Par exemple ça. Toujours une petite note comme ça, qui est un peu aiguë, qui fait du bien. Donc, c'est chanté par Anna, qui est enfant. C'est très rapide, c'est très vif, ça fait vraiment penser à l'enfance, côté un petit peu espiègle du personnage. Ensuite, on a l'orchestre qui joue tout le monde en même temps, de manière un peu plus forte, lorsqu'elle est adolescente. Là, d'un coup, je passe la mélodie, tout ça. Les parents partent, ils vont voir les filles pour leur dire « Nous partons, il n'y en aura pas pour longtemps ». et ça commence à devenir un petit peu plus tragique. Et à ce moment-là, du côté tragique, il y a le thème en fait du tourment qui commence à arriver. Et en fait, c'est à peu près le même motif de... Ouais. Le tourment commence un petit peu à arriver, que les pouvoirs de Elsa commencent à devenir de plus en plus forts. Et en fait, il y a ça. Ça commence d'abord par... Ils vont d'abord voir Elsa, il y a ce petit flac qui arrive. Ensuite, il y a le... qui revient lorsqu'ils vont voir Anna lui annoncer qu'ils partent. Et puis là, après, on voit le bateau commencer à tanguer, à chavirer, la vague qui emporte tout le monde, et le thème du tourment revient. Tout à fait, ouais. À ce moment-là, il y a le petit truc sympa. Le... Oh, c'est bien fait. Oh, il l'a bien fait. Mmh. C'est incroyable. J'y étais. J'ai fermé les yeux, j'y étais. J'ai froid. Ah non, pardon, oh, excusez-moi, c'était mon voisin, il trouvait que je faisais trop de bruit. Et d'un coup, il y a Anna qui est beaucoup plus grande, qui va voir, qui est toujours derrière la porte d'Elsa, qui lui demande de sortir, qui lui demande d'être ensemble parce que les parents sont morts et parce qu'ils vont se sentir seuls. Et on est un peu partagé entre le côté aigu de l'enfance, mais en même temps par la lenteur et le désespoir de Anna. Et puis à la fin, on finit par des gros accords, histoire de pouvoir montrer le côté tragique. Qui montre à quel point elles sont touchées par cet événement. Voilà. Ensuite, et dans le film, entre ces deux chansons, il n'y a pas un peu de musique. Je sais pas pourquoi, je trouvais ça assez flagrant, frappant. Oui, maintenant que tu le dis, c'est possible, oui. Il n'y a pas du tout de musique. En fait, la séquence... Entre la Reine des Neiges et le Renouveau, tu veux dire? Entre ouais, enfin, le Bonhomme des Neiges, Bonhomme des Neiges et la Reine... D'accord, putain, c'est ouf. En fait, l'image s'assombrit, il y a un fondu de sortie, un fondu d'ouverture. Et là, on tombe sur Anna qui est la tête dans le falzar. Oui, qu'elle se réveille, etc. Et il ne se passe rien. Est-ce que tu crois que justement, c'est l'idée qu'elle n'a pas vécu pendant tout ce temps et donc il n'y a pas de musique parce qu'elle n'a pas vécu pendant tout ce temps et que d'un seul coup, le renouveau, c'est là qu'elle commence à se réveiller et donc la musique revient? On peut voir ça comme ça ou... Peut-être que je suranalyse. Hein. J'étais plus cartésien. La séquence n'avait peut-être pas besoin de musique à ce moment-là. Ok, pardon. Elle est endormie durant quand on est endormi, on est éteint, il n'y a pas de musique. Je sais pas. En tout cas, il n'y a quand même pas de musique du tout. Et puis en fait, c'est juste le réveil et la prise de conscience d'Anna qui va amener au renouveau avec le. Oh, je l'attendais, lui. Oh quoi non. Ah, c'est le moment où jamais de le sortir. Hein. Ah bah oui. Et donc, à cette scène de film, ce couronnement et l'ouverture du royaume, enfin, surtout de la cour du château, et donc, c'est le renouveau et du royaume et du personnage d'Anna qui est montré. Le royaume, parce que on voit tout qui s'ouvre, et puis Anna qui exprime à quel point elle est heureuse en fait de pouvoir revoir sa sœur et puis revoir du monde tout court. C'est aussi le renouveau pour Elsa, mais le renouveau pour Elsa, il est un petit peu différent que celui d'Anna, parce qu'à ce moment-là, d'une manière différente, on montre qu'elle a peur, et on retrouve l'un des motifs du tourment, mais en fait, c'est le motif du tourment qui est chanté par Elsa, parce qu'il y a un motif du tourment qui est joué par l'instrument, et il y a un motif qui est chanté, et c'est pas le même. Et en fait, c'est le « Don't let them in, don't let them see ». Et c'est une phrase qui est dite par son papa juste avant qu'il ne parte sur son bateau. Il dit, en français, il dit à sa fille « Cache tes pouvoirs, n'en parle pas ». Cache tes pouvoirs, n'en parle pas, effectivement. Fais attention, voilà. Le secret survivra. pas d'étabane, pas de tourment. Ah non, ça c'est après, pardon. Pas de banane, pas de tourment, que sur un non, pas d'édame, tu sais, le fromage. J'ai envie d'édame maintenant. Et donc c'est un peu la phrase aussi qui est fille conductrice dans l'œuvre. Son père lui dit au début pour la rassurer, ici elle le dit pour se rassurer elle-même aussi. Dans Libéré, délivré, elle le dit. Elle dit cette phrase pour montrer à quel point au final elle n'a plus rien à faire et puis elle va commencer à vivre sa vie. Et puis au final, elle le dit aussi dans la reprise du renouveau pour montrer à quel point c'est compliqué pour elle de pouvoir vivre avec ses pouvoirs et il faut absolument qu'elle soit toute seule. Et donc à ce moment-là, en fait, ça arrive. Donc il y a tout le côté festif, très enjoué, très guilleré du renouveau chanté par Anna. Et puis d'un coup, le... ça montre à quel point elle est tourmentée, et puis au final, il y a commencé à avoir un petit mélange entre Anna qui est réjouie, et puis Elsa qui a peur, et puis on repart sur le grand final du renouveau, parce qu'il faut fêter le nouveau. Et chaque gradation, chaque grand moment de l'histoire, donc Anna qui commence un petit peu à s'enjailler, Anna qui commence à se préparer, Elsa qui a peur, et puis Anna au final qui est prête à ouvrir les portes, et montrer avec une modulation, donc à chaque fois on passe, c'est de plus en plus aigu pour pouvoir montrer que elle est heureuse. Ensuite on passe à l'amour est un cadeau. Ma vie, je n'ai rêvé que... Pardon. C'est pareil, ça c'est genre chanson pop facile à faire. Alex, je pense que tu pourras peut-être en bien plus que moi là-dessus. Je suis pas convaincu par cette chanson, je trouve que c'est un pseudo love theme rigolo qui permet en fait d'accélérer l'histoire d'amour entre Hans et Anna, entre leur rencontre et puis le mariage. Oui. Je suis pas du tout d'accord avec toi, je la trouve nulle à chier. Voilà. je vais plus loin. C'est un J'aime vraiment pas cette chanson. C'est vraiment juste au niveau des personnages... où Hans est toujours dans son truc à lui, il écoute vraiment dans sa personne à lui. Anna, c'est la seule qui pense à vraiment l'amour, et Hans, on voit vraiment seulement dans les paroles, mais ça, c'est pas vraiment musical, le fait que Hans, au final, quand on lit les paroles, ne pense qu'à lui, et Anna, au contraire, pense à l'amour, pense à deux, etc. Il pense surtout à la duper dans les paroles, je trouve. Il est... T'as la réplique... I mean, it's crazy, like we want to finish each other. Donc là, c'est lui qui dit ça. Donc, c'est comme j'aimerais que l'on finisse chacun nos. Et là, t'as Anna qui dit sandwich. Alors que, évidemment, tu t'attends à ce que ce soit phrase, tu vois. Oui. Notamment avec une pause à ce moment-là. Non, mais elle est assez drôle, cette chanson. Ouais. Mais oui, t'as totalement le manipulateur d'un côté et la naïve de l'autre. C'est absolument évident. Et c'est ça que j'aime bien aussi. Elle est assez drôle et elle est très visuelle aussi comme chanson. Oui. Est-ce que le problème de cette chanson, c'est pas que c'est une chanson de méchant qui n'est pas une chanson de méchant? Parce qu'en vrai, il n'y a pas de chanson de méchant dans ce film. Ouais, il n'y a pas de solo de gentil non plus. Ça veut rien dire, ça. Non, mais je sais pas, peut-être que là, pour le coup, c'est littéralement une chanson qui parle d'amour chantée par un type qui ne l'aime pas, et donc ça pose problème déjà de base, donc ce qui fait que la chanson peut pas être une vraie chanson d'amour non plus, c'est pas plus une chanson de méchant, parce qu'il la chante en duo avec Elsa, donc ça se verrait tout de suite, tu vois, alors que pour la petite sirène, pour le coup, ils ont pas hésité, hein. Elle chante les âmes en perdition, on sent tout de suite qu'elle est mauvaise, mais Ariel, elle voit rien, elle est cruche. Là, pour le coup, tu vois, c'est un peu mon problème, c'est que c'est un peu entre trois trucs différents presque, donc là, ça fait rien, quoi. Bon, je suis pas d'accord, je trouve qu'elle marche bien et surtout elle fait pour le coup bien avancer l'histoire, tu vois bien leur relation et oui, elle sert, ça oui. Dans tous les cas. Elle fait rire, après, elle est drôle. À ce moment-là, on sait pas encore que c'est un méchant, on s'en doute pas vraiment. Non, mais ce que je veux dire, c'est que justement, du coup, ça fait une chanson d'amour qui marche bizarrement, elle est un peu bizarre comme chanson d'amour. C'est pas une chanson d'amour, c'est pas une chanson, c'est une chanson. C'est une chanson de rien en fait, c'est ça. Une relation entre deux personnes, c'est une chanson de manipulation. Ouais, mais c'est pareil, tu te rends pas compte que c'est une manipulation à ce si t'écoutes, oui. Bien sûr que si. C'est assez flagrant, je pense qu'un enfant va pas s'en rendre compte, mais si... Mais c'est peut-être ça le problème, c'est que du coup, ouais, je sais pas. Bah oui, mais justement, le but du film, t'as plusieurs passages comme ça dans le film où t'as à la fois des trucs où tu peux te dire est-ce que c'est évident qu'ils sont méchants, et d'autres où il te dit bah bien sûr qu'ils sont méchants, tu vois. Parce que t'as des moments où c'est très insidieux et des moments où t'as c'est le père d'Anse, je sais jamais son nom, le duc de Weaseltown, truc comme ça. Weaseltown, oui. Et qui dit au tout début, quand il arrive sur le quand il débarque et qu'il se dirige vers le château, il dit je crois littéralement je vais percer tes secrets et prendre tes richesses, tu vois. Donc genre tu vois, genre l'étiquette méchant, elle est là. C'est pas très subtil, oui. Et donc derrière ce genre d'étiquette là te permettent justement de plus facilement comprendre la subtilité des chansons et des choses comme ça. Je pense au contraire qu'une fois que tu as établi que lui, il était méchant, tu n'as même plus à te poser la question, et les autres, tu ne cherches pas après les autres méchants. Donc, ce qui fait que cette chanson, ouais, en fait, elle n'est pas là pour, moi, pour te dire que c'est un méchant, ni que c'est un gentil. Donc, en fait, elle est volontairement adoucie, tu vois ce que je veux dire ? Après, ça laisse un débat. Est-ce que Hans est vraiment méchant à ce moment-là du film ? Tu vois, moi, je ne suis pas persuadé qu'il soit si méchant. Moi, 100%. Enfin, il est méchant dans le sens où, oui, il veut fake un amour pour accéder au trône. Mais je pense pas qu'à ce moment-là, il ait forcément l'idée de tuer Elsa, tu vois. Je pense que c'est quand même plus loin dans le processus et dans comment... Juste ça être un mari problématique, ok, ça va. Non, bien sûr que c'est un méchant, je veux dire, mais c'est pas, tu vois, c'est pas le méchant qui laisse la nana crever devant le feu c'est de cheminée. C'est pas Scar, quoi, on n'est pas encore sur ça. Ouais, en éteignant le feu de cheminée, tu vois, il y a un switch. C'est sujet à débat. Pas convaincu. T'as pas mal d'idées intéressantes aussi dans les paroles. T'as I found my place pour Hans, et t'as Anna qui répond I see your face, tu vois. Donc c'est deux, tous les deux leurs aspirations, c'est ça, qui se réalisent à ce moment-là, tu vois. C'est, ah mais c'est, au niveau des paroles, elles sont excellentes. C'est un peu la chanson du héros qui accomplit ce qu'il veut, sauf que entre les lignes il y a autre chose, tu vois. Ouais, mais c'est trop subtil, tu vois. Du coup ça en fait une chanson un peu bof au milieu. Oh, et oui, qui sonne un peu faux, tu vois. Mais non, mais c'est pas ça, c'est qu'elle sonne un peu faux, et tant que t'as pas vu tout le film, ou alors tu comprends directement, ah j'ai compris toute la subtilité du scénario, mais là tu gâches presque le twist de fin. Mais sinon ça veut dire que ta chanson elle est un peu bah ok, elle était là, mais bon, t'as pas compris les enjeux plus que ça. Elle était ok, elle était là. C'est une chanson qui marche bien au deuxième visionnage. Oui, je suis pas d'accord, mais ok. Après, il y a aussi cet aspect visuel qui, en français, marche pas du tout. L'amour est un cadeau, love is an open door. Bon, bah, tu passes d'un 10 sur 10 sur la logique à un 4, quoi. Ouais, donc, c'est sûr. Bon, après, ça va, on a déjà vu plus subtil que love is an open door, j'ouvre des portes, ça va. Mais non, mais toute la séquence repose sur des jeux avec les portes, donc forcément, on peut... casse un peu le truc. Ouais, est-ce que t'avais compris la subtilité dans ce rêve bleu que, en fait, la nuit, elle est bleue derrière? Après, la porte, c'est aussi, pour Hans, à ce moment-là, l'opportunité. Oh, l'opportunité. Et pour Anna, l'opportunité de liberté aussi. Mais oui. Et oui, elle qui est restée dans un bail de confinement pendant 15 piges, se retrouve c'est à la reine du pouvoir entrouver sa porte, justement. Mince, on a perdu Max. Ah bon, on a perdu Max. Il revient. Ah, on a retrouvé Max. Allô ? Oui, voilà, on a décidé de pas me faire... Voilà. On m'a cliqué. Mais je suis sûr que tu allais dire des choses scandaleuses. C'est tes opinions, elles étaient trop tranchées. reviens-nous. Je suis là. Coucou. Bonsoir. Moi, je n'ai pas. Par rapport à la porte, oui, pourquoi pas. Rapport au voisin de tout à l'heure, c'est ça. Bon, c'est vrai que je suis plutôt porte de Champéret. Après, ah moi c'est porte maillot. Ben voilà, après le débat est là. Il y a des portes standards. Je suis Bernard Laporte. Allez, c'est validé. Moi je suis porte par fenêtre. Porte manteau, non, c'est pas. Allez, on les fait toutes. Portfolio. C'est pas. Portfolio. Portfolio et délivré. Voilà. Libéré, délivré. Donc c'est le tube, le succès, la chanson pop par excellence. On a expliqué pourquoi c'était une chanson pop tout à l'heure. Dommage qu'elle soit si populaire, si simple à écouter, parce qu'en fait, elle explique vachement bien l'évolution d'Elsa par les leitmotifs qui sont mis. Tout d'abord, comme je disais, il y a le motif du tourment qui est extrêmement musical. Thank you. êtes frustré. Un petit peu. Alors, est-ce que je peux poser une question juste est-ce qu'on peut se dire que cette intro au piano, c'est la séquence au piano la plus connue au monde actuellement, ou pas loin? Parce que je pense que dès que tu entends ces 8 notes, automatiquement, t'as plein de gens qui font comme ça. Il y a ça, et puis il y a le... Et moi, je ne sais jouer que ça. Il y en a peut-être 2-3 avant, d'accord. Mais je crois que c'est les deux seuls trucs qui sont... Il y a toujours en toute objectivité... Ça, c'est pas aussi connu que tu crois, Max. C'est dans Twilight. C'est la musique de Twilight. Non, c'est avec Bella. Ouais, c'était avant quand même. Hein. Mais oui. C'est Bella, c'est la vie. Mais oui, enfin, c'est un mélange de A et de O. Oui, c'est ça. Bah, oui, façon, voilà. Mais il suffit de voir. Elle est belle. Il suffit de voir Disney Dreams ou Disney Illumination pour avoir le. Tu t'entends oh automatiquement. C'est terrible à quel point c'est automatique. Il peut y avoir que 20 personnes dans le parc. Hein. Les 20, ils vont faire. Va les raquer 40 balles pour ton enfant. Vas-y. Mais oui, oui, oui. Allez, donne le pognon là. Pardon. Comment ça, 40 ? 40, oui, c'est. Oui, pardon, 70, 100. Plus. Pour une robe. En plus de ça, ce tourment, il est montré par une chose, alors on va passer encore au niveau un peu plus musical, c'est qu'en fait, il y a des accords qui sont construits, donc machin, je disais... Et cet accord, le premier accord, c'est un accord de Fa mineur, et Fa mineur, ça fait Fa, La, Do. Et dedans, il y a un truc qui frotte, c'est qu'il y a un Sol entre les deux, et le Sol, ça frotte. Et donc ça fait... On ne commence pas par une note par laquelle on devrait commencer. On ne commence pas par la note par laquelle l'être humain, normalement constitué, qu'il soit musicien ou non, il devrait entendre la note. Il fait directement par ça. Et ça, ça frotte, ça fait le tourment, et ça commence un petit peu à montrer que bah, Elsa, dans son cœur, c'est un petit peu bizarre. Au début, il y a un couplet qui est très calme, qui est très monotone sur une même note. Ça ne bouge pas beaucoup. Vous m'en questionnez, je suis encore plus de fautes que d'habitude. Oui. Ça doit être ça. Qui avance. Et c'est très calme, c'est limite parlé. Et puis d'un coup, il y a le pont avec le motif chanté du tourment. Le... Et ça, en fait, donc, c'est le fameux motif du tourment qui va partir sur la. Et je vous laisse faire les paroles dans votre tête. Je vous invite à regarder Four Chord Songs, The Axis of Awesome. Et avec ces quatre accords-là, toutes les chansons. C'est ça. C'est ça que tu voulais dire. Exactement. Mmh. Et c'est exactement le principe dans Libéré, délivré. Et c'est Michael Gregorio qui a montré que Christophe Maé, avec juste 3 accords, il faut quand même 3 accords, il fait tout un album. Et donc il y a un fameux couplet très connu, Let it go, Libéré, délivré, machin. On avance, on a un deuxième couplet. On a toujours ce fameux pont avec le... qui monte au tourment, et d'un coup on avance, elle a de moins en moins peur, elle est de plus en plus rassurée, elle a de plus en plus confiance en elle, et puis là on passe sur ce qu'on appellerait un chorus, oui Alex, un chorus, j'ai pas trop d'autres mots, qui en fait là la progression est graphique et musicale, qui arrive au climax de la chanson. Je ne reviendrai pas, mon passé est passé. Libéré. Et puis on arrive au climax de la chanson avec le dernier refrain qui explose, tout le monde il hurle, et puis là les enfants ils sont contents, ils hurlent ça, et puis il y a les parents qui disent mais. Je vais te couper tes cordes vocales, je regrette d'avoir fait un enfant. Voilà. Et puis à la fin, le fameux. Et voilà comment résumer Libéré, délivré en très peu de temps, parce qu'en fait, c'est tout le temps la même chose qui tourne en rond. Ensuite, on arrive à le chant du règne, une petite comptine très sympathique qui présente un petit peu Christophe et Sven, mais qui au final n'apporte presque rien à l'histoire non plus. Non, c'est gentil, c'est mignon. C'est pour montrer des talents de chanteur de Donald de Renew. Oui, ça fait le gag, quoi. C'est surtout c'est rigolo parce qu'il chante avec son reine et puis en fait c'est lui qui chante. Et puis il présente un peu les persos et c'est le seul moment où tu commences à les voir et où ils ont du dialogue. C'est aussi là où tu vois son fameux don de parler à son reine, tout ça. Tu vois. Enfin, c'est vrai que je pense que si t'avais pas ça, ce serait très bizarre, tu vois. Bah, parce que tu te dirais, bah, t'appelles ça un don, toi, ce qu'il fait, d'accord. Bah, en fait, le truc, c'est que je pense qu'il fallait, il n'y avait pas le choix d'avoir une chanson, que d'avoir une chanson pour pouvoir présenter deux personnages qu'on a vu enfant en train de couper de la glace au début du film, et puis qu'on a vu pseudo discuter ensemble lorsque tout le peuple se met en fête pour pouvoir aller voir pour le couronnement. Il fait juste vraiment, je pense, un truc beaucoup plus affirmé pour dire, regardez, Christophe et Sven, ils vont participer à l'action à ce moment-là. Je pense que si tu mets pas de chanson, ça fait vite personnage DreamWorks, Sven, à base de... Oui. Regarde, Sven Ce serait très gênant. Ça fait très Scooby-Doo, au final. Surtout, la voix qu'il fait, elle est très, très Scooby-Doo. Oh, bah oui, alors. Tu le fais très bien. C'est un problème. Et puis d'un coup, on passe à une autre chanson qui présente le personnage de Laf d'un style un peu balade jazzy, qui parle du fait qu'Olaf, il a un handicap, c'est que s'il fait trop chaud, et ben il fond. Et ça nous montre aussi un petit peu les limites de nous-mêmes. Je ferai pas, c'est trop difficile pour moi. Elle est pas simple. Soleil, les petits oiseaux et les abeilles et tout le ski rime en hey, en été. Voilà. Les oreilles, je me souviens bien. Le renouveau. Ensuite, on retombe donc sur le renouveau, la reprise du renouveau qui est beaucoup plus dans le style de la comédie musicale et je trouve et qui avance vraiment. Là, c'est vraiment le renouveau de leur vie. Les pouvoirs ne doivent plus faire peur, mais en même temps, on retrouve le tourment qui est chanté par Elsa avec les paroles de libérer et délivrer, enfin, plutôt la phrase du père. Et au final, c'est se pose la question, est-ce que Elsa, elle est si libérée et délivrée ou pas? Parce que d'un côté, on retombe encore sur le côté Anna a envie de pouvoir faire son renouveau. Elle chante son thème du renouveau pour montrer à quel point avec sa sœur elle rentre et puis qu'il passe sur une vie qui est quand même beaucoup plus solide. Et puis d'un autre côté, il y a Elsa qui dit « Bah non, je veux pas rentrer. » Et là, Anna est très contente. Et puis d'un côté, il y a Elsa qui va chanter à quel endroit ? Ici. Et puis ça avance. Et puis là, au final, elles se chantent toutes les deux en même temps, ça s'imbrique encore de plus en plus. Et puis on montre qu'il va se passer quelque chose d'un peu plus important. Ça va répéter sur le grand final du renouveau où tout le monde est content. Parce qu'il faut fêter ce renouveau. En même temps, il y a Elsa qui chante ses motifs à chaque fois. Qui montre à quel point elle est tourmentée. Et jusqu'au moment où ça explose, elle balance son picot de glace, et puis elle blesse Anna, qui tombe, qui fuit, qui a peur. Et puis ça finit par le fameux motif du froid et de la glace qui est dangereux. Presque une instru de Frozen Heart au début. Hein. Presque l'instru complète, quoi. Oui. Mais c'est dans la partition, en fait. Oui. C'est dans la partition de la version album, parce que dans le film, ça y est presque pas. C'est coupé. C'est coupé pour faire... Il est parti quand même. Oh, si. Mais bien coupé quand même, hein. Oui, bah... il faut le montage. et le rythme surtout. Et à la fin, la dernière chanson du film, et ce qui fait qu'après on tombe sur environ une demi-heure de film sans musique, sans chanson, c'est Nul n'est parfait, Fixer Upper, c'est la chanson des trolls, jazz, gospel, qui explique l'amour, qui explique un petit peu toute l'histoire de cœur, et surtout qui sert à caser Christophe avec Anna, des trolls. C'est gros forceur de l'univers. Hein. C'est vrai. Je trouve cette chanson particulièrement sous-cotée. Elle est trop bien. J'aime beaucoup cette chanson. C'est surtout la plus dynamique du truc qui est vachement cool, quoi. Puis on peut faire pipi dans l'herbe au fond des bois. Je trouve ça trop cool. Là, par contre, voilà, vu Metal en Planistique depuis ce soir, je ne m'aimerais pas du tout à la faire. Et puis, voilà. Alex, je pense que tu pourras peut-être dire plus sur la version comédie musicale qui sera plus intéressante. T'inquiète pas, super. Et puis après, on tombe sur les fameuses deux musiques ethniques. Une, je pense, vraiment ethnique, l'autre faussement ethnique. La première, c'est Vueli, qui est l'ouverture du film. Celle qui plante le décor, ça va se passer dans un endroit où il fait froid. C'est à quatre voix, c'est a cappella. Je trouve ça très bien écrit. C'est. Partout, on est quatre. Je ne pourrais pas faire la voix. C'est pas mal. Si, pas ça mal. Fait ça, non? Non, bah, c'est pas mal. Et je l'ai fait travailler à un chœur et franchement, c'est très sympa à faire. Ah, j'imagine, ouais. Et je la ferai bien aussi avec mes élèves. Je me dis que c'est pas si difficile que ça. Y a pas... J'ai. Ah bah voilà. Alors, j'ai la partie piano. Ah, mais la partition 3 voix. De toute façon, à force de faire chanter tes élèves, je pense qu'il y a pas de parole. Édition, hein. Il y a des paroles. Si, ça fait hey ya hey ya ha, ah yeah ah hey ya ha. Il y a pas de parole. Na hey ya hey ya na ya nua, ana hey ya na nua. Le même à peu près, Alex. Et puis l'autre chanson, alors celle-là c'est faussement ethnique, c'est écrit par Christophe Beck pour le film, c'est la chanson. C'est un peu la chanson religieuse du couronnement, Heimer Arnadar. Bah oui, Alors, non, ça comprend. Elle a les béquins. Ça, c'est une étagère. C'est une étagère, elle est dans l'IKEA de Courbevoie, elle n'y est plus. Mais si vous allez à Argenteuil, peut-être il leur en reste au fond. C'est à Franconville, c'est pas Argenteuil. J'ai pas compris pourquoi à un moment. Ah, pardon. J'ai pas compris pourquoi à un moment t'as parlé de la Wehrmacht. Ça a glissé à un moment, on n'a pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé? On peut plus me juger sur la blague de tout à l'heure. en fait, je viens de voir ça sur les paroles. Donc, il y a la version en norvégien, il y a la version phonétique norvégienne, et il y a la traduction qui parle en fait de comme quoi on va couronner la reine. Voilà. War the queen of the greatness, the earth of the gold shines. We crown you with hope, love and faith. Beautiful stony land, home Herendel, follow queen of light, queen of follow the light, worthy queen of greatness, our king, worthy queen of light. Ouais, on a compris plus ou moins l'idée qu'il y a de la queen dans l'histoire, quoi. Ça, c'est... je pense qu'on l'a. Les anglophobes, tant pis pour vous. Oh bon, c'est facile. Vous comprenez que queen, ça veut dire reine. Vous avez déjà la moitié du truc. Il y a un peu un équivalent dans la comédie musicale qui est Queen Anointed, du coup. Oui. Un truc comme ça. Ah, elle est magnifique, celle-là. C'est pas le... Ouais. Qui est très très bien. On parle du musical après, t'inquiète pas. Ah ok. Il y a aussi à ce niveau-là, il y a We Are the Champions aussi. Je vais chercher le nom avec lui. Pardon. Voilà. Oui, c'est à chaque fois un moment, ça ne passe plus. Mais... Et c'est ma faute, j'en ai bien conscience. Je suis désolé, hein, vraiment. C'est une malédiction. Mais est-ce qu'on peut dire que Elsa, she wants to break free. Je pense qu'elle veut. Complètement. Je t'ai pas interrompu tout à l'heure, mais l'histoire de Elsa qui va se planquer dans son château et puis Anna qui débarque en disant oui, allez, reviens, le renouveau, etc., etc. C'est quand même l'histoire de quelqu'un qui est tranquille chez elle et qu'on vient encore casser les pieds à base de oui, il fait froid, c'est de ta faute, etc. Mais fous-moi la paix au bout d'un moment, quoi. Oui. Y a que moi que ça choque. Non, mais je suis d'accord avec toi. Ah, on est d'accord. Elle est peinard, elle se trouve un truc et tout. Le froid ne me dérange pas, je m'en bats les couilles de vos histoires. Genre, elle ferme la porte et puis là, on vient en mode oui, il fait froid. Est-ce que tu peux remonter le thermostat? Ça va? Avec le renouveau. Est-ce que t'as pas d'action? Imagine, t'as des actions dans la glace, Nagla. Putain. Ah ouais. Voilà. Imagine, t'es Christophe, t'es un bon marchand de glace qui a demandé rien à personne, là. Il y a Anna qui font l'air tes plans. À chaque fois que t'arrives dans les petits quartiers, là, tu fais sonner le truc et il n'y a plus personne qui vient, quoi. Tout le monde s'en fout. Ouais, c'est vrai. Mais est-ce que le renouveau aussi, au final, que tu dis ça, c'est quelqu'un qu'on vient chercher pour pouvoir restaurer le calme à Arendelle, mais c'est aussi pour restaurer le calme dans la famille? Mais c'est encore une écologie. La famille, ça fait 20 ans qu'ils lui disent écoute, le mieux, c'est encore que tu restes dans ta chambre et que tu te taises, s'il te plaît. Moi, je pense que la famille, Elsa, à un moment donné, elle s'en bat les reins, elle a bien raison, tu vois. Puis à la fin du 2, ça montre bien, hein. Eh ben carrément. C'est bien, viens, je te fais deux films et puis trois courts-métrages pour montrer à quel point t'es importante et puis à la fin du 2, elle se casse. C'est ça. Non, mais je pense qu'il y a... Et en faisant un bras d'honneur, même. Justement, cette idée où finalement, elle a fait ce qu'elle avait à faire, elle a pris ses responsabilités, elle a réparé ses conneries et à la fin, bah ouais, ok, bah oui, bien sûr que tu as le droit de voler de tes propres ailes, petit papillon. Et sur les chansons, j'ai fini comme ça. Et puis les instrumentales, alors les instrumentales, c'est plutôt bateau, hein, c'est un orchestre symphonique de musique de film, tout ce qu'il y a de plus banal. Cependant, la scène finale, je parlais quand même tout à l'heure aussi du fait que les motifs des chansons étaient très peu utilisés. Enfin, voilà, en final, il n'y a que 3-4 motifs qui sont utilisés dans les instrumentales par rapport aux chansons. Mais il y a la scène finale, l'épilogue, qui est très fournie par rapport à ça. En fait, le film, c'est une sorte de grande forme en arche. On commence. Enfin, une sorte en arche un peu large. On commence par le renouveau. On ouvre les portes du truc. Elsa fuit. Le climax, c'est la bataille entre Elsa et sa sœur. Enfin, même plutôt entre Elsa et puis les gardes. D'un coup, Elsa revient au château et puis la paix est restaurée à Arendelle. Une grande forme en arche. Et au final, on conclut le film par deux chansons. Dans la musique instrumentale, on conclut le film avec Le Renouveau et Je voudrais un bonhomme de neige, qui arrive dans ce sens-là. Donc Le Renouveau, Je voudrais un bonhomme de neige. Au début du film, c'est l'inverse, c'est le bonhomme de neige puis Le Renouveau. Et Le Renouveau, c'est pour montrer le renouveau de Arendelle et puis en même temps de la vie de famille. Et puis le bonhomme de neige, c'est pour montrer le lien soudé entre les deux sœurs qui s'aiment. Parce qu'au final, elles s'aiment vu que Anna a été déglacée, dégivrée. Alors, bon, oui. Est-ce que l'histoire, c'est pas que Anna elle aime beaucoup Elsa, mais l'inverse? Parce qu'en vrai, on prouve un côté, on prouve pas l'autre. Hein. Si ça se trouve, elle en a franchement rien à péter. Ça la saoule depuis un temps, cette histoire. L'autre, elle vient taper à sa porte tous les jours. Là. C'est pénible. Elle est en train d'aller écouter. Là. Elle est sur Discord avec ses potes. Là. Et à chaque fois, elle est là en mode oui, je veux un bonhomme de neige. Ça va, quoi. Et au rythme. Fais-le, ton bonhomme de neige. Mais oui, dans les montagnes. Quoi, c'est tous les jours. Je veux dire, à un moment donné, tu sors, tu prends tes petites mains, tu vas chercher de la neige, tu le fais ton truc. Enfin, ça va. Moi, je pense que, à un moment donné, il va peut-être falloir replacer l'histoire au niveau de Elsa. J'ai l'impression que la pauvre, elle subit beaucoup. Et deux secondes, tu disais qu'elle en avait rien à foutre et qu'elle se barrait de sa famille. Bon. Ah, parce que elle a beaucoup subi. Elle paraît très éloignée. Je ne sais pas. Je lance des pistes. Je vous laisse les récupérer si vous voulez. La connasse neige, on va l'appeler. C'est magnifique. Et ben voilà. Donc moi j'ai fini sur la partie chanson. Du film. C'était super. J'ai appris. On pas fini la partie chanson des musicales. Exactement. Oui. Nous allons passer rapidement à la comédie musicale Frozen. Alors en janvier 2014, Bob Iger annonce que Frozen sera adapté en comédie musicale pour Broadway, sans indiquer de date, car nous ne visons pas de vitesse, mais l'excellence. Il s'avère que le sujet était sur la table bien avant la sortie du film. Et au final, ils ont bien fait de ne pas aller dans la vitesse, parce que c'est quand même quelque chose de très beau, mais ça, on va le dire au fur et à mesure. Au niveau de l'équipe, on retrouve des personnes connues, Jennifer Lee, donc la scénariste et co-réalisatrice du film, qui s'occupe de l'adaptation du livret pour la scène. C'est pas la première fois qu'on a une librettiste pour Broadway, vu que au niveau de La Belle et la Bête, tu te souviens Max, on avait déjà justement la librettiste. C'était des choses relativement rares pour l'époque. Je me souviens que quand elle a fini de travailler sur la comédie musicale, elle a dit qu'elle était vraiment heureuse d'être libérée du livret. Ah, désolé. Oh. Au niveau de la composition, on retrouve Kristen Anderson Lopez et Robert Lopez. Et auparavant, ils ont quand même travaillé sur d'autres choses, d'autres comédies musicales, justement. Robert, Bobby, on va l'appeler, a travaillé en 2003 sur Avenue Q. Avenue Q, pour les intimes, un musical avec des thèmes très adultes, mais dont la plupart des personnages sont des marionnettes similaires aux Muppets. Je vous invite très honnêtement à aller écouter un petit peu Avenue Q et surtout le morceau Internet is for Porn. Voilà. Oh, ça vient de là. Oui. Internet is for porn, Internet is for porn. Par contre, je pense que le but n'est pas de passer. Ne fais pas toute ta chanson. J'ai souvenir de trucs un peu limite. Mais, alors, j'ai pas suffisamment de mémoire. C'est bien sûr quand même très family friendly et très noir. Et justement, il travaille aussi avec les créateurs de South Park sur le musical Book of Mormon, qui est sorti en 2011, que je vous invite bien entendu à aller écouter. Le morceau le plus connu est Hello, my name is Elder Price, etc., etc. Il y a aussi un superbe morceau où le personnage principal va faire un rêve en enfer, et c'est absolument métal à souhait, et c'est extrêmement bien. Kristen Anderson Lopez, de son côté, a composé un musical qui s'appelle In Transit, qui se déroule dans le métro new-yorkais et qui est entièrement a cappella. T'as entendu rire que rien. J'ai eu très peur que ce soit un autre transit. T'as entendu rire que rien, putain de merde. Et oui, effectivement, ensemble, tous les deux, ils ont composé les chansons du spectacle Finding Nemo, The Musical pour Walt Disney World. Et ensuite, ils ont travaillé pour Frozen et Frozen 2. Le metteur en scène Michael Grandage, lui, il est surtout connu pour son travail théâtral à Londres, avec des pièces de Tchekhov ou Shakespeare. Donc on est bien loin de Frozen, quand même. Rob Ashford, le chorégraphe relativement connu dans le monde des comédies musicales, il a chorégraphié pour Finding Neverland, le revival, donc la reprise de How to Succeed in Business Without Really Trying. Excusez-moi, le titre est toujours extrêmement long, avec Daniel Radcliffe, donc Harry Potter. Il a aussi le Tony Award de la meilleure chorégraphie pour Thoroughly Modern Millie. Je n'arrive toujours pas à prononcer les mots en anglais. Je voudrais revenir sur le précédent. T'as dit qu'il n'y avait aucun rapport entre Tchekhov et Shakespeare et Frozen. Il y a le chèque. Il y a le chèque. C'est vrai. Et oui. C'est vrai. Et oui, je suis bien d'accord. C'est vrai. Le superviseur musical Stephen Oremus a travaillé sur Avenue Q, justement, sur Wicked, rapport à Indina Menzel, sur The Book of Mormon et sur Kinky Boots, qui n'a aucun rapport avec Frozen. Au niveau de la conceptrice lumière, c'est une conceptrice lumière, c'est Natasha Katz, et c'est la conceptrice lumière phare. Si, elle est bien, elle est super bien. Alors, honnêtement, j'avais pas pensé, mais je l'avais déjà écrit, et c'est en lisant que je me suis dit que c'est assez drôle. De Disney. Très bien. Donc, c'est elle qui a travaillé sur quasiment tous les musicals de Disney, Beauty and the Beast, Aïda, Tarzan, La Petite Sirène, Aladdin, et aussi, pour les plus parisiens d'entre nous, Un Américain à Paris, qui a eu lieu au Théâtre du Châtelet il y a quelques années maintenant. Et on retrouve Michael Curry, pour le concepteur de marionnettes, qui avait déjà fait les marionnettes du Roi Lion et justement de Finding Nemo à Walt Disney World. Donc on en revient toujours, vous avez vu. À Walt Disney World, on n'y va toujours pas. Ouais, des avant-premières à Denver en 2017, et donc la première se fait à Broadway le 22 mars 2018 au St. James Theatre après un mois de previews, c'est-à-dire un mois où c'était dans le théâtre, mais ce n'était pas encore la première. Il y a eu seulement 825 performances et ça restera là, on en parlera un petit peu plus tard. La sortie de l'album est le 11 mai 2018 avec un passage de 21 musiciens sur scène quand ça passe à Broadway. Et sur l'album, on est à 44 musiciens avec pas moins de 20 cordes. Donc un bel instrument à cordes tout de même. Ça change souvent. Alors souvent, on prend directement le bon orchestre pour enregistrer l'album. Là, ils se sont dit, on va se faire plaisir quand même, c'est du Frozen, on rajoute des trucs. On va passer directement aux différences qu'il peut y avoir entre Frozen, le film, et Frozen, le musical. Alors déjà, on passe de 7 chansons et demie dans le film. C'est pas moi qui le dis, les 7 chansons et demie, c'est vraiment le compositeur. Hein. Il dit, j'ai composé 7 chansons et demie. Je pense que c'est la musique du Rennes qu'il a dit et demie. à 23 okay. chansons pour le musical. Sachant qu'on a... musical, c'est que tu chantes. Oui, c'est ça, on est d'accord. Puis 7 chansons, c'était pas beaucoup. Mais 23, c'est quand même plutôt pas mal, hein, on est d'accord. C'est quand même assez intéressant. Disney avait fait des recherches et ils ont appris que 70% des personnes qui viennent voir leur comédie musicale sont des adultes sans enfants. Et ils ont donc fait en sorte que Frozen soit plus adulte, en se penchant d'autant plus sur la psyché d'Anna et d'Elsa, sur leurs cicatrices psychologiques et comment les cicatrices psychologiques les poussent à prendre certaines décisions. Ça, c'est donc Bobby Lopez qui a dit ça dans une interview au Times. Les trolls, nos petits trolls, bah, c'est difficile de faire tout plein de petits trolls sur scène. Du coup, ils sont remplacés par le peuple caché, à forme humaine, beaucoup plus mystique, inspiré directement du folklore scandinavien des Huldufolks. Et donc, ce sont d'ailleurs eux qui... Ça, c'est une commode, on vous le rappelle. Je le sentais, je le sentais. Elle est pratique parce qu'il y avait deux portes au milieu. Ce sont eux qui ouvrent le musical et donc ce sont eux, bien évidemment, qui sont dans Fixer Upper quand on doit virer Christophe. Le roi et la reine décident de prendre la mer pour chercher comment Elsa pourrait contrôler ses pouvoirs dans le musical. Alors que dans le film, on est d'accord, c'était parce qu'il y avait un mariage. Oui, alors techniquement, il y avait un mariage, mais c'est l'excuse. On apprend dans le 2 que c'est pas du tout pour un mariage. Exactement. Et en fait, ils ont justement pris cette idée dans le musical. En fait, le musical, ils ont voulu justement mettre un petit peu plus d'intérêt à ce départ. Et ils en ont profité, vu qu'ils étaient déjà en train de travailler sur le Frozen 2, pour changer un petit peu l'ordre des choses. Et ça se passe alors qu'elles sont encore enfants. Alors, on est d'accord, Anna bouscule Hans dans le film et tombe dans un bateau. Pour le coup, non, il ne tombe pas dans un bateau, mais il tombe dans le traîneau de Christophe. Et c'est comme ça qu'Anna rencontre Christophe au départ. Plus tard, c'est d'ailleurs Christophe qui donne des vêtements plus chauds à Anna. Et c'est seulement dans l'acte 2 que Håkon, le vendeur, apparaît. Alors, on est d'accord, dans le film, il y a d'abord Let It Go et ensuite le chant du renne et en été. Dans le musical, c'est le contraire, on a Let It Go qui clôture le premier acte après le chant du renne et en été. Et c'est tout à fait normal parce que de toute façon, après ce morceau-là, la foule est déchaînée, il faut bien la calmer un petit peu. Et donc Let It Go est vraiment le morceau qui clôture le premier acte. T'as dit un truc hyper curieux ? Oui, je pense que c'est plutôt malin, effectivement. Ça fait une progression un peu plus linéaire, peut-être. Là où Let It Go est un peu une cassure dans le premier film, où c'est la première chanson vraiment presque à voix, j'ai envie de dire, du film. C'est un clip. Et là où effectivement derrière ça redescend tout de suite en intensité quand tu repars avec Anna qui recherche un petit peu où on va, qui recherche un peu à suivre sa sœur finalement, alors que donc je comprends la logique. Les deux transitions dans le film sont éclatées là où ça a l'air d'être un peu mieux construit. Éclatées. L'autre elle ferme les portes et bien secoue. Mais au fait, on est où ? Il est où la carte ? C'est ton épisode de Dora l'exploratrice. Shipper, arrête de shipper. Suis la carte. Marshmallow, le monstre de glace, n'existe pas dans le musical. Je sais. Il s'appelle Marshmallow. Oui, il s'appelle Marshmallow. Mais depuis le début, hein. Mais j'en savais rien. Pardon. À la toute fin du musical, alors qu'Anna et Elsa peuvent enfin être proches l'une de l'autre sans peur, on peut voir leurs parents et les personnages enfants d'Anna et d'Elsa en fond de scène, preuve que le passé douloureux des deux sœurs est guéri. C'est pour rentabiliser les personnages, ça. Oui, aussi, parce que c'est histoire de dire, les gamines, ça coûte cher. On vous paye pas. Les gamines, ça coûte cher. On est sûr de cette phrase On l'assume dans Disney's Music Box. Très bien, très bien. Je le saurai. Non, je pense qu'il voulait parler de gamme, tu sais, au piano. Ah, les gammes un peu modernes, tu veux dire, les gammes un peu in. Ouais, d'accord. Ça, c'est bon, c'est pour rentrer dedans. Et puis ça c'est pour rentrer à l'intérieur. Quoi ? Je vous conseille fortement d'écouter l'album parce qu'il y a un vrai travail sur l'ensemble, sur les chœurs. Queen Anointed, justement, tu en parlais tout à l'heure, Hyperchorien, est un petit bijou de chœur. Kids United ? Et je vous invite aussi à écouter un morceau qui est pour moi. Absolument extraordinaire, qui s'appelle Monster, que j'ai fait écouter à Max qui ne l'avait jamais entendu. Oui, je suis comme ça, je balance. qui est donc Monster, qui est donc un petit peu le single du musical. Et qui est chose assez particulière, non pas à 4 temps, mais à 7 temps. C'est pour ça, et on va expliquer pourquoi le 7 temps et le 4 temps, c'est assez bizarre. Après la modulation, tout ça, en fait, le 7 temps, le 2 temps ou 3 temps, ça fait 1, 2, 1, 2, c'est quelque chose de stable que l'oreille est habituée à avoir. Puis surtout, si on a tout le temps rythme à 3 temps, c'est 1, 2, 3, 1, 2, très 3, dansant, on très valse. Tous les 3 temps, on aura quelque chose de stable, on aura un point fort. Et le problème du 7 temps, c'est que si on fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, il y a un côté un petit peu instable. C'est que notre oreille pense que tous les 4 temps, on va avoir quelque chose de stable, mais en fait, non. Ça va faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Si on marche, on a l'impression de boiter. Exactement. C'est boitant. Et la musique est vraiment, au final, très très rock. Elle aborde aussi des thèmes assez sombres. Hein. Il y a clairement le... Un Monster, oui. Bah, vraiment, il y a clairement cette idée de Elsa se considère comme un monstre et envisage de se suicider. Elle se dit, si jamais je me suicide, est-ce que tout reviendra à la normale pour le reste de d'Arendelle, tout ça. C'est sombre votre histoire là. Ah non, oui, c'est vraiment oui, ça. C'est ce qu'il disait, que c'était plus adulte. Tu l'as pas écouté, non, le Alex mais... Si, je l'ai écouté, mais enfin là il y a adulte et puis il y a carrément déprimant, calmons-nous quoi. 44, non, mais c'est pas du tout déprimant en fait, effectivement. mais je trouve que ouais, le livret de la comédie musicale est fantastique. Enfin, il y a vraiment, je pense que je retiens au moins 4 chansons, au moins sans réfléchir quoi. Oui. Par exemple, justement, tu étais en train de le dire, dans les paroles, elle dit Père, tu sais ce qui est le mieux pour moi. Si je meurs, est-ce que eux seront libres? Maman, si après que je sois parti, le froid reste toujours froid, enfin la neige reste et la tempête continue de tempêter. Hein. Non, il faut que je reste en vie, il faut que je répare ce que j'ai fait, il faut que je sauve le monde de moi-même et que je ramène le soleil. Et vraiment, la musique, pour le coup, la musique suit vraiment cette pensée avec vraiment un boum. Boum, boum, boum, boum, comme le cœur. Et en fait, on se demande, est-ce que le cœur va s'arrêter ou pas? Et en fait, la musique redémarre et c'est bon. Donc c'est vraiment très, très, très bien trouvé. Bien entendu, il y a beaucoup de musiques qui ont changé. Il y a A Little Bit of You qui a été rajouté. Qui est basé sur You and Me, qui était une chanson coupée. Ça ressemble beaucoup. En fait, t'as toute la partie où t'as Anna et Elsa qui chantent une petite comptine. Là. Mm. Tout ça, c'est repris copier-coller de You and Me, en fait. Ok. Et d'ailleurs, c'est vraiment cette musique, la première fois que j'ai entendue, je l'ai trouvée magnifique. Je me suis dit, pourquoi il n'était pas dans le truc de base? Et ben maintenant, je sais. Ouais, voilà, parce qu'il faut faire des choix. Tu les vois très peu bébés, en fait. Mm. Ah, c'est pour ça. Hein, en jeune, voilà. Et voilà, je ne peux que vous conseiller d'écouter cet album qui vous fera découvrir une autre facette de Frozen, qui vous fera entendre des choses beaucoup plus intéressantes au final même que dans le film. Et dites-vous que ça, il le jouait 8 fois par semaine, 6 jours sur 7. Voilà, faut quand même le rappeler, c'est du live, c'est des artistes extraordinaires et voilà. Mais il y a un mais. Justement, au niveau des réceptions et anecdotes autour du musical, Christophe était joué par Jelani Aladdin, castée à l'aveugle, tout comme Ciara René, après l'actrice qui a été castée vraiment pour commencer sur Broadway. Ciara René, d'ailleurs, qui avait aussi joué dans la version comédie musicale du Bossu de Notre-Dame. Tous les deux sont... Le Bossu de Notre-Dame, version américaine, dès qu'on l'a eu commercialisé il n'y a pas longtemps, enfin, il y a quelques années. Ouais. C'était... avant Frozen ? Oui. Donc, tous les deux, Jelani Aladdin et Ciara René, j'en parle parce que tous les deux sont noirs, jouant des personnages blancs dans les films. Et ça, il faut dire que ça a fait couler de l'encre. Hein, ça en fait toujours couler, c'est toujours dommage, c'est toujours chiant. Mmh. Et c'est pour ça que c'est très intéressant, c'est qu'ils ont été castés à l'aveugle. Donc, c'est par rapport à leur capacité. Et c'est ce qui devrait toujours y avoir. Et... Évidemment. Voilà. Jelani dira « Pour moi, c'est une chance pour les enfants de se voir maintenant reflétés dans cette pièce dont ils ne pensaient pas pouvoir faire partie. pour apporter ses sourires au public, pour changer d'avis, pour le convaincre qu'il ne s'agit pas de l'apparence du personnage, mais de l'esprit du personnage. Si je peux accomplir cela, alors j'ai fait mon travail. Ciara, elle, dira « Quand j'ai découvert le monde de la comédie musicale, j'ai pensé que c'était vraiment merveilleux et je voulais le faire, mais je n'ai vu personne qui me ressemblait. Ensuite, j'ai pu voir In the Heights, un musical de Lin-Manuel Miranda, et tout a changé. J'ai pleuré pendant toute la représentation parce que ça m'a vraiment fait sentir « Tu sais quoi ? Je peux vraiment faire ça. » Donc c'est vraiment quelque chose de bien Disney. Important, la représentation, oui. C'est hyper important. Et c'est beaucoup de gens le répètent, mais je pense que c'est pas encore suffisant. Oui, il faut que les gens soient représentés à tous les endroits. Il faut que tous les gens, dans toutes leurs différences, soient représentés à tous les endroits. Sinon, bah oui, effectivement. Oui. C'est un cercle vicieux, en fait. Donc, il faut créer le cercle vertueux. Et peut-être qu'au départ, ça veut dire pousser des gens à cause de ça, grâce à ça. On parle comme on veut. Peut-être là, que pour ça le sonne. Coup, ils n'ont rien poussé. C'était à l'aveugle. Hein, ouais, en plus. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, il y a des polémiques qui se font. Tu sais, la petite sirène, etc. Là. Et il faut pousser ça parce que c'est en montrant que oui, c'est possible. C'est en montrant que oui, ça peut être même très, très bien. Qu'il y en aura d'autres qui arriveront, que ce sera encore mieux, etc. C'est un cercle vertueux qu'il faut enclencher, c'est pas évident. Je suis absolument d'accord. Je pense qu'on peut absolument critiquer un cast sur ses prestations ou sur l'impression qu'on peut en avoir. Personnellement, je suis pas fan de la presta de Patty Murine sur au moins l'album. Hein. J'ai pas eu la chance d'y aller. Parce que, voilà. En live, elle mais, est je veux bien le croire, mais j'ai beaucoup de mal avec sa voix qui est vraiment extrêmement différente de Kristen Bell. Oui. J'entends bien que c'est pas l'objectif de faire exactement la même chose, hein, mais du coup, c'est assez déstabilisant. Parce qu'elle joue Anna, du coup. Voilà. Oui, c'est ça. J'avais compris. En fait, au cas où. Non, mais toi, oui, mais tout le monde peut-être pas. Alors, parlons un petit peu argent, s'il vous plaît. Alors, on n'en a pas encore. Rien que d'y penser. Pardon. Rien que d'y penser.com / Patreon. Frozen le Musical a coûté 35 millions de dollars. Et a fait des bénéfices de 150 millions de dollars. C'est vert. C'est vert. On est dans le rire, c'est bon. Il faut savoir que la pandémie du Covid-19, je dois bien en parler un moment, a été fatale pour Broadway et pour Frozen, qui ne rouvrira pas lorsque les théâtres rouvriront. Oui, mais... Ça a été annoncé... Londres. Hein ? Ah oui, mais attends. Oui, mais Londres. Alors, tu spoiles tout. Pardon. Là-bas aussi, je voulais y aller. De toute façon, tu me mets le nez dedans, là. Ouais, tu m'étonnes. Ça a été annoncé le 14 mai 2020, donc 3 jours après la fermeture des théâtres de Broadway, que Frozen ne rouvrira pas. Donc, ils ont vraiment vu loin. Au final, ils ont peut-être eu raison, vu le bordel que c'est. Seuls Le Roi Lion et Aladdin rouvriront à Broadway. D'autres productions, bien sûr, vont arriver ou sont en cours et reprendront après l'épidémie, comme celle de Sydney, qui a ouvert le 1er décembre 2020 et qui a duré 30 jours, non, qui a duré 1 ou 2 mois, je crois, je ne sais plus. Frozen arrivera aussi, normalement, à Londres le 14 avril 2021, avec Samantha Barks dans le rôle d'Elsa. Samantha Barks, la chance, qui éponyme dans Les Misérables. Oui, qui joue dans Les Misérables et qui est une chanteuse extraordinaire. Voilà, on a vu la réaction de Max, hein. Elle a tout dit. C'est peut-être... Ah, je pense qu'elle a clairement écrasé la fille qui fait Cosette dans Les Misérables. Tellement. Qui en voiture, tu veux dire C'est pas comme ça, Les Misérables. Je me souvenais pas de ce passage. Voilà. Non mais voilà, que la fille qui fait Cosette dans Les Misérables dans la version du film 2012 rajoute du vibrato à temps plein et puis essaie de faire tirer des larmes avec rien du tout et puis très peu de charisme. De l'autre côté, il y a Samantha Barks qui a très peu de rôle et qui par contre le fait faire de la peine pour elle vu qu'elle ne pêche pas Marius. En fait, le truc c'est que la fille donc qui jouait Cosette, c'est la fille qui jouait dans Mamma Mia aussi. Hein. Je suis en train de regarder très rapidement comment elle s'appelait parce que ça va vite m'énerver. Hop, le cast, il est où ? Le cast. Les élèves m'ont dit en plus. Si y a un élève de troisième qui est sur mon chat, on l'a vu en cours. Tu veux qu'on fasse la Cosette pendant que tu cherches ? C'est bon, je l'ai. C'est Amanda Seyfried. Oui, voilà. Amanda Seyfried. Donc, oui. Et surtout ne pas mélanger les consonnes. Je suis en train de réfléchir, j'arrive pas à réfléchir à ce film. Je l'ai pas, je l'ai pas. Ça fait Freeseed, ce qui ressemble beaucoup à autre chose, mais. Oh la vache, ah ouais, ça commence à être. D'accord. D'un point de vue purement optimiste, le 14 avril pour, à Londres. C'est chaud. On est d'accord. Non, mais clairement, ils ont même dit, il me semble que. Oui, ils l'ont dit, mais. Oui, ils l'ont dit tout à l'heure, hier, je crois. Ils l'ont dit hier ou avant-hier qu'ils donneraient une date quand ce sera possible. Ok. Voilà. Donc je reviens vite fait à Amanda Seyfried. Pour le coup, c'est surtout une actrice, alors que Samantha Barks quand même a vraiment joué dans Les Misérables sur scène. Donc à partir de là, c'est vraiment une actrice de théâtre, Samantha Barks, faut pas l'oublier. Et il y aura des futures productions à Hambourg, beaucoup plus, enfin assez proche de nous également, et Tokyo, un peu plus loin de chez nous. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur le musical Frozen. Si je devais recommander quelques chansons, je rajouterais à Monster, bien sûr, Hygge, Dangerous to Dream et True Love aussi. Oui. What Do You Know About Love aussi. Ah, elle est super bien celle-là. Elle est très très drôle. C'est donc entre Anna et Christophe, donc « Mais toi, qu'est-ce que tu sais de l'amour ?» Et toi, vraiment, voilà. Donc, écoutez l'album. Ouais, c'est plus ou moins des scènes qu'on voit dans le film. C'est la scène du chariot, mais en chanson, c'est ça ? C'est ça. Et en beaucoup plus, bien sûr, poussé, quoi. Alors, bien sûr, il y a eu la suite, Frozen 2. Il y a eu les deux courts-métrages. Il y a eu la série Lego. Trois courts-métrages, du coup. Trois, je suis perdu. Non, il y en a eu deux, puis Frozen 2, puis le troisième. Eh oui. On a l'arrivée des personnages dans la saison 4 de Once Upon a Time. Et par rapport à cette arrivée des personnages, les scénaristes ont dit qu'ils ne prenaient pas du tout, ils n'ont pas du tout pris en compte le Frozen 2. En fait, l'arrivée des personnages a été faite alors que Frozen 2 était encore en discussion, en cours de création. Donc en fait, ils n'ont pas essayé de chercher à faire un lien entre la magie d'Elsa dans Once Upon a Time et dans Frozen 2. Ce qui fait que dans Once Upon a Time, c'est un truc bidon pour prouver qu'elle a des pouvoirs. Alors dans Frozen 2, c'est donc, ce truc par rapport à sa mère et puis tout ça. Après, si tu regardes le making-of dans Disney+, tu sens que... Enfin, sur Disney+, à propos de Frozen 2, tu sens que les mecs ont bien galéré à trouver le scénario jusqu'à la fin. Donc, ça aurait été très compliqué, je pense. S'ils avaient voulu se greffer au milieu, ça aurait pu partir en vrille complet. Quoi. Ça se trouve, ils les ont appelés. Hein. Ah, on voudrait vous intégrer, vous en êtes où dans le scénario ? Oh là là ! Oh là ! Alors, ici, c'est les pizzas machin. Vous êtes trompé de numéro, bonjour. Oui. C'est bizarre, Manu, je m'étais trompé. Ouais, bah, je crois qu'elle se fout ta gueule. Ensuite, dans les parcs dans le monde, avant de passer au parc parisien, dans les parcs dans le monde, Frozen a été mis sous forme d'attraction à Epcot. J'espère que vous pourrez nous en faire un petit débrief le mois prochain. Ah ouais, très bien. Je vais faire comme mon chat, je vais me casser. Hein. Allô. Aussi à Hong Kong, à Tokyo DisneySea. À Hong Kong, c'est un land effectivement qui sera le land le plus complet puisqu'il y aura deux attractions sur Frozen, dont un coaster. Voilà. Qui serait inspiré du Seven Nine Train. Seven Nine Train, ouais. Il y a 7-9 trains, oui. Non, le train des 7 nains. On va pas se faire chier à le dire en anglais, c'est chiant à dire. Soyons honnêtes. De Floride et de Shanghai. Oui. Ok, cool. Possiblement. Et au Japon également, c'est prévu dans tout un projet d'extension avec il y a du Réponse, il y a du Peter Pan et du Frozen. Du Frozen. Avec une version qui sera différente. Et il va y avoir une version dans les Walt Disney Studios à Paris qui a été annoncée le 29 février 2018 par Bobby Iger. Dans le bureau de Manu, tranquillement, dans les cafés, ils ont dit tiens, on va faire une petite extension de 2 milliards d'euros. Qui pourrait faire du bien ? C'est littéralement comme ça que ça s'est passé. Hein. Il est venu le matin pour le café, le soir il a dit putain, ouais, 2 milliards, je les mets. Tu vois. Franchement, je suis de bonne humeur. Je vais faire un TikTok. Le mec était comme ça avec Manu. Ouais, salut Manu. C'est vrai, c'est vrai. Il y avait eu une annonce. C'était TikTok, c'était pas Snapchat ? Non, c'était. Je pense que c'était Twitter, YouTube, tout ça. Hein. Oh, mais il y avait eu un bail où ils étaient en story aussi quelque part. Et ah, c'est une belle annonce qu'il fallait, mais dans les bureaux de l'Elysée. C'était magique. Oh, c'était spécial d'ailleurs, étonnant. Une annonce de Disney dans les bureaux de l'Elysée, c'est particulier, c'est pas... De toute façon, à part quand tu construis un parc et où là, effectivement, tu cherches à avoir l'accord du gouvernement, machin. C'est le plus gros projet depuis la construction. Si, les Walt Disney Studios. Ils ont fait un deuxième parc. Oui, c'est le plus gros projet depuis l'ouverture. De toute façon, il faut bien que Disney ait un moyen de savoir les dates du confinement avant tout le monde. Oui, évidemment. Les fameux. Par contre, la neige est arrivée. Alors, j'ai eu du mal à trouver. En 2014, en 2015, je pense que c'est 2015, dans la magie Disney en parade. Ou est-ce que la partie de réponse sur le char a été remplacée donc par Frozen? Puis dans la saison Frozen Summer Fun et le spectacle Chantons la Reine des Neiges, qui était un karaoké géant. Ça est arrivé aussi l'été dans Dreams. Disney Dreams qui avait une version spéciale l'été, oui. Ouais, et ne nous cachons pas, était clairement le meilleur spectacle pyrotechnique, projection, fontaine, Disneyland de Paris. Il y a aussi je suis en minorité. Il y a aussi une photo location au pavillon des princesses qui durait avec environ 4 à 5 heures de queue par jour. Pas longtemps, du coup. Hein. Enfin, ils l'ont pas fait longtemps, parce que la queue aussi, mais... Il paraîtrait qu'il y a des gens qui sont arrivés le premier jour qui ont enfin pris une photo le dernier jour. C'était Lisa, mais je peux lui dire comme ça vu que en truc le plus notable, je sais pas si t'as prévu d'en parler des spectacles dans d'autres parcs ou pas. Il y a le pseudo musical Hollywood Studio, c'est ça tu voulais parler? Non, je pensais plus à la version californienne. T'as le live à Hyperion, ouais, qui n'a rien à voir avec le nôtre. Mais du coup, oui, il y a. En fait, ce qui est assez étonnant, c'est que c'est un musical qui dure un peu plus d'une heure, je crois, donc finalement presque la durée du film. Et dans un parc Disney, c'est quand même extrêmement rare. Et le truc est très, très, très. A une excellente presse, notamment avec des effets assez ouf, avec Olaf, qui apparaît bien mieux que chez nous sur l'invitation même. Magique, musical, je sais plus quoi. En 2017, il a eu sa Frozen a eu sa section dans le chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre a été modifié en grand et rouge par quelqu'un. Par quelqu'un ? Je sais pas par qui. Donc au chef-d'œuvre Illumination. Dans la Disney Stars on Parade, où le film a clairement son char juste à lui. En 2018, donc l'annonce d'un Frozen avec l'extension des Walt Disney Studios, et en novembre 2019, il y a l'ouverture de l'Arène des Neiges, une invitation musicale en lieu et place de Art of Animation, qui était un petit spectacle très sympathique à voir, mais totalement déserté, et qui était remplacé par un moment encore très commercial autour de Frozen. Frozen un petit est un spectacle à voir, mignon, pas déserté. Frozen, oui. Qui fonctionne. Moi, je l'appellerais même pas petit. Hein. Il parlait de Art of Disney Animation. Moi, je parlais de Art of Animation, comme quoi c'était déserté, alors qu'au final, c'était. Oui, bien sûr. Ah non, mais vu que tu parlais de commercial, je pensais que tu parlais de. Ok. Non, par contre, le côté Frozen, oui, ça a été remplacé par un spectacle tout à fait commercial. Oui, mais qu'est-ce qui n'est pas commercial à partir du moment où tu payes l'entrée Ouais, voilà. Et puis, encore une fois, pour moi, il y a une ampleur dans ce spectacle qui n'a rien à voir entre ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a maintenant. Je veux dire, t'as des actrices qui sont là et qui font le show 5-6 fois par jour avec du chant, etc. T'as une vraie prod autour de ce truc, et tout en ayant un spectacle qui arrive à faire quelque chose que je trouve très cool, c'est d'être très proche de son public, ce qui fait que t'as l'impression que tu tends le bras, tu touches Elsa. Ne faites pas ça, c'est pas bien. Mais ce que je veux dire, c'est que je trouve vraiment qu'il est intéressant ce show. Et alors, on peut considérer qu'il est commercial, d'accord, mais on peut aussi dire qu'il est génial. Parce que peut-être ce qui me gêne un peu, c'est que c'est encore Frozen. C'est pas jusqu'à génial, hein, mais. Bah oui, c'est encore Frozen, mais enfin, tu vas pas. Voilà. Frozen, en fait, tu vas pas mettre Mélodie du Sud. Oh. Non, mais je. Par contre, ce sont des artistes. Ou un autre. Les personnes qu'on va, ce sont souvent des artistes de la scène de la comédie musicale parisienne. Alors, il y a eu une comédienne de doublage qui a joué dedans. Et je ne tairai son nom parce que je crois qu'elle aime pas trop que ça se sache, mais. Une comédienne de doublage. Non, mais il y a du beau monde, il y a du beau monde. Qui chante. Oui, il y a du beau monde, ça, on peut dire qu'il y a du beau monde. Donc, ouais, non, c'est un beau spectacle, quoi. Après, oui, c'est encore Frozen. Enfin, oui, tu peux pas reprocher à Disney de donner aux gens ce qu'ils demandent. C'est un peu le cercle vicieux. C'est, Parce que ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'on avait 4 heures, 5 heures d'attente pour qu'ils puissent rencontrer la Reine des Neiges. Là, t'as nettement moins, tout le monde la rencontre, tu vois. Et en plus, t'as un spectacle avec. En fait, c'était 4 heures, 5 heures d'attente au moment où le film était encore en pleine hype. Là, le film. Bon, aussi, il y a eu Frozen 2 qui a lancé la machine. Mais en fait, c'est que c'est le cercle vicieux. C'est Disney qui vend. Donc les gens consomment, donc les gens vont tout de suite tout de suite dire oui c'était bien, donc si c'était bien Disney va encore plus vendre pour que les gens consomment, et les gens vont toujours dire oui c'est bien. Certes, mais si George Lucas il avait pas fait ça, Star Wars ça se serait arrêté au 1, tu vois. Et oui. Bon. Oh non, au 4. Non, il y a eu 6. Oui, donc au 1, à l'époque c'était le 1. Oh, d'accord. Bref, vous m'avez compris. À la fin, non. Ça permet d'avoir des trucs cool. Ce que je reproche, c'est que c'est un peu au détriment parfois d'autres œuvres Disney, d'autres productions Disney maintenant. Mais... Il nous faudrait un spectacle Volt, je suis d'accord avec toi. Voilà, et puis Frozen, au final, à Disneyland Paris est partout. Dans l'animation, dans Mickey le Magicien, sur machin, il y a une photo location, dans la Disney Central Parade. En fait, le seul et si tu fais les spectacles, il est dans partout, mais finalement, ouais, un peu comme le Roi Lion. Hein. Ouais, ben voilà, comme Roi Lion. Je veux dire, le Roi Lion, ça fait 30 ans qu'il nous casse les 1. Bon, 1. Vachement bien. Parce qu'il n'y a pas la Frozen à Disneyland Paris, c'est dans le Roi Lion et les rythmes de la Terre. Ouais, et ça. Oui. Un jour, on va se taper une blonde arrivée sur scène. Tu vas avoir un crossover. Tu vas rien comprendre. Techniquement, c'est dans cette salle-là que t'avais la SummerSun Celebration. Et ça m'a même fait rire, parce que quand j'avais rencontré Vasily Sirli, il m'avait dit, oui, quand on fait un spectacle, on fait une mise en scène, on essaie de chercher par rapport au lieu dans lequel il était. Donc la forêt de l'enchantement était pensée ici parce que c'était au milieu de la forêt. Et puis après, ils ont fait Frozen. Vite fait la forêt, hein. déjà c'était un peu... C'était déjà un peu vite fait la forêt. Oh, il y a des arbres. Eh. Mais, Et en 2020, il y a eu une nouvelle saison autour de Frozen, avec une parastacle assez inconséquente de 5 minutes à tout Oula. Péter. Non, il y a le temps où le char fait tout le tour de la place et où tu t'emmerdes bien. Hein. Tu l'as oublié, ça. Hein. T'as 3 fois la boucle musicale qui a le temps de tourner. 3 fois. 5 fois. Je crois que c'est 5. Ouais. C'est peut-être 5 fois. Elle dure 2 minutes 20, je crois, et à peu près. C'est un il faut une petite bonne minute le temps que le truc arrive. Donc oui, voilà. Et le seul truc intéressant de la parade, c'est le Sven qui bouge. Oui. Non, le char. Le char est stylé. Bon, le char est bien. On est sur un bof convaincu. Et donc, voilà ce qu'on peut dire autour de Frozen à Disneyland Paris. Je pense qu'on a dû oublier des trucs. J'ai oublié quelques trucs par rapport à ça. Mais voilà. Ah, ne serait-ce que les spectacles, effectivement, tu l'as mentionné, mais Mickey le magicien, il apparaît dans beaucoup de choses différentes, finalement. Donc, Mickey Magicien a quand même plus d'intérêt que le Roi Lion dans Mickey Magicien. Parce que Mickey Magicien, c'est un magicien, et dans le Roi Lion, il n'y a rien de magique. Oh, alors que Rafiki, c'est un chaman. Par contre, généralement, Rafiki chante beaucoup mieux que la personne qui chante Elsa, qui généralement chante particulièrement mal. C'est faux. Non, moi, la dernière fois, c'était pas mal, moi. Ça dépend, il y en a quelques-unes qui sont bien, mais t'en as beaucoup qui n'ont pas la prestance ni la puissance, parce qu'il faut quand même une sacrée voix pour chanter Let It Go. C'est pas simple à chanter Let It Go. Hein. Puis voilà, combien de fois par jour aussi, pareil. Eh bien, je pense que nous avons fait le tour de la Reine des Neiges. À la semaine prochaine pour la suite. pas la semaine prochaine tout de suite, mais effectivement, on y viendra dans tous les cas, on y reviendra. Là, on les a invités, il va falloir qu'ils nous invitent en retour. Non, voilà. Après le mois de mars, parce que le mois prochain, ils vont à Disney World. Mais oui, c'est ça. Voilà, on peut tout faire. Donc, au final, on va se poser la question, la Reine des Neiges. C'est leur question à eux, c'est leur question de leur podcast qu'on peut leur proposer directement et ne la balance pas. La Reine des Neiges. C'est Nagra qui le fait d'habitude. C'est de la glace ou c'est pas de la glace? C'est du flan ou c'est pas du flan? Ah, voilà. Long démarrage aujourd'hui. Hein. J'ai pas beaucoup dormi. Non, mais en vrai, faisons le tour, ouais, effectivement. Alors, c'est du flan ou c'est pas du flan? Ouais, c'est pas du flan. Non, c'est pas du flan, parce que c'est une histoire travaillée avec des personnages intéressants qui évoluent au fil du temps. Il y a toute une logique entre le début, voilà, le moment où elle t'explique que oui, elle est confinée, elle en a marre, elle veut rencontrer des gens. Du coup, oui, elle tombe dans un piège et ainsi de suite. Et évidemment, c'est un piège. Et le mec, il en profite. Et puis à la fin, et puis voilà, il y a la magie. Et il y a quand même ce retournement de situation. Parle que de Anna, c'est rigolo. Le sauveur n'est pas un prince. Voilà, et ça, c'est vrai, ça c'est cool. Après, c'est logique parce que Elsa est l'élément perturbateur du film, mais pas l'héroïne, hein. Jamais, de Frozen. Frozen 2, un peu plus, mais Frozen. Oui, non, clairement. Voilà. Donc, non. Non plus. Non. C'est très bien, c'est très bien fait. Ouais. C'est joli, c'est... Il y a quand même une histoire qui se tient. Les chansons, au final, sont quand même pas si mal, les musiques non plus. Non, mais voilà, Frozen, c'est quand même super. Voilà. Alex. Non, mais pas plus. Hein, Non, moi, Frozen, ouais, j'aime beaucoup. T'as dit quoi? J'ai ma formation de ce matin où on nous a présenté un truc, il y a une personne qui a parlé, après on a fait un tour de table et tout le monde a dit oui, la même chose. C'est la même chose. Voilà. Super. Pareil. Non, mais voilà, les musiques sont belles, l'histoire est sympathique, ça se regarde, ça s'écoute. C'est horrible. Il n'y a rien de pire comme chose à dire. Ça se regarde, ça s'écoute. Oui, c'est vrai. Frozen 2, pour moi, est meilleur que Frozen 1. Mais Frozen 1 se défend plutôt pas mal. Je pense que c'est le cas pour plus ou moins tout le monde. Hein. Il y a quand même très peu de gens qui ont été déçus de Frozen 2. Tu serais étonné. Il y en a, mais ça reste globalement... Alors je pense, après, j'avoue que j'ai pas d'enfance sur moi, mais je pense que Frozen 2 est moins accessible aux jeunes. Et une expression dont on n'est pas sûr, d'ailleurs. En revanche, Frozen 1 est quand même beaucoup plus, justement, ouais, accessible à tous. Là où ouais, Frozen 2 est, je pense, beaucoup plus creusé, intéressant et écrit, mais moins accessible aussi, et notamment parce qu'il est beaucoup plus sombre. Pour moi, le 1, bon, c'est pas du flan non plus. J'ai des réserves, cela dit. Alors, je le compare pas avec le 2 parce que je trouve, enfin, c'est un peu bizarre de dire le 2 est meilleur. Bah, c'est la suite, donc tu compares un truc avec quelque chose qui n'existait pas au moment où il est sorti, donc c'est un peu bizarre. Enfin, admettons, pourquoi pas. On a le droit de préférer le 2, ça y a pas de problème, bien sûr. Non, les petites réserves que j'ai, c'est que vraiment moi, le personnage de Olaf, j'y arrive pas. Je le trouve bien meilleur dans le 2 pour le coup. D'ailleurs, ils ont réussi à rectifier ce que j'aimais pas. Je trouve que c'est un personnage DreamWorks un peu. Même s'il a un peu plus d'intérêt, disons qu'il est pas loin d'être un personnage DreamWorks, il lui donne un rôle un peu à la fin pour réveiller Anna alors qu'elle vient d'être larguée. Bon, c'est déjà ça, quoi. Il y a des chansons que j'aime pas, En été et celle de Hans, voilà, je les aime pas. L'amour est un cadeau. L'amour est un cadeau, c'est ça, je les aime pas. Donc du coup, il y a pas mal de petites choses comme ça parsemées dans le film que j'aime pas, mais tout le reste, j'aime beaucoup. Donc en vrai, je passe toujours un bon moment devant. On n'en parle pas assez de cette scène que je trouve dingue de combat entre les gardes et Elsa quand ils vont attaquer son château. Je veux dire, c'est très très stylé la façon dont c'est mis en scène, et c'est assez rare en fait. Je me laisse former en arche du film, c'est vraiment le climax. C'est le moment où Elsa quitte son château pour revenir... Ouais, c'est ça. Dans le château qu'elle a elle-même quitté, en fait. C'est voilà, c'est plein nice. Et ouais, non, il y a plein de trucs que j'adore dans ce film, et je le revois avec beaucoup de plaisir. Finalement, Mad Max Fury Road n'a rien inventé. Elsa l'a fait avant. Pas la comparaison que j'attendais, mais d'accord. Eh bien, je pense que c'est sur ces bonnes paroles et cette belle comparaison à Mad Max que nous allons nous quitter. Merci à tous de nous avoir suivis dans les commentaires et de nous avoir suivis en live pendant ces 2 heures et quelques, je crois. Nous en sommes à 2h30 de live. On avait dit quoi, Max? On fera pas plus long que la semaine que la dernière fois. Alors, pro tip, en vrai, généralement, quand il y a des invités, c'est plus long. Ouais, c'est vrai. Partez de ce principe-là. Si déjà vous faites long d'habitude, si vous avez des invités, ça a tendance à être plus long. Il y a plus de monde. Vous en avez deux, du coup, chaque sujet. Et qu'en plus, on est des connards, on fait des tangentes, des blagues et tout. Hein, c'est bien comme ça, c'est très très bien comme ça. Et on vous a préparé une petite surprise pour finir avec Max. Nous vous souhaitons à tous une excellente soirée. Merci encore, l'agrégation. Merci encore, Parcurien. Avec plaisir, merci à vous. À la revoyure, j'ai envie de dire. De toute façon, nous, on est en contact, hein, y a pas de problème pour ça. Oh, bah oui. Donc, n'hésitez pas à retrouver Rien que d'y penser, Flan, sur rienquedypenser.com. Soutenez sur rienquedypenser.com/Patreon. Vous pouvez me retrouver sur secretdisney.com. Vous pouvez retrouver Max sur Musicland 77, c'est ça? 33. 33, je sais pas pourquoi 77. Je savais que c'était le chiffre, c'est dommage. 22. Sur Musicland 33, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à partager, à regarder ça en famille pendant que vous déjeunez, vous allez vous étouffer. Ne vous inquiétez pas pour ça, tout se passera bien. Pas la meilleure promo, mais ok. Sans doute la plus réaliste. Eh non, j'ai bien compris. Max, je te laisse le mot de la fin si tu veux. Merci beaucoup à tous. Il faut qu'avec Alex, on cale le prochain film que nous verrons et que vraiment, si on suit notre logique des trois semaines qu'on a un petit peu pété ce mois-ci. Mais bon, c'était la nouvelle année. Hein, faut pas nous en vouloir. Nous tomberons donc, je crois, 11 février. Donc, on est censé se retrouver le 11 février pour un prochain live de la Disney Music Box. Peut-être plus court. Et puis, merci beaucoup, Percurien, merci beaucoup, Nadia Glaçon, et merci beaucoup à Oswald qui nous a rejoint. Et puis voilà. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. L'hiver s'installe doucement dans la nuit, la neige est reine à son tour. Un royaume de solitude m'a placé là pour toujours. Le vent qui hurle en moi ne pense plus à demain. Il est bien trop fort, j'ai lutté en vain. Tes pouvoirs, n'en parle pas, fais attention, le secret survivra. Pas d'état d'âme, pas de tourment, de sentiment. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Libéré, délivré, c'est décidé, je m'en vais. J'ai laissé mon enfance en été, perdu dans l'hiver. Le froid est pour moi le prix de la liberté. Quand on prend de la hauteur, tout semble insignifiant. La tristesse, l'angoisse et la peur m'ont quitté depuis longtemps. Je veux voir ce que je peux faire de cette magie pleine de mystère. Le bien, le mal, je dis tant pis, tant pis. Libéré, délivré, les étoiles me tendent les bras. Libéré, délivré, non, je ne pleure pas. Me voilà, oui, je suis là, perdu dans l'hiver. Pouvoir vient du ciel et envahit l'espace. Mon âme s'exprime en dessinant et sculptant dans la glace. Et mes pensées sont des fleurs de cristal gelées. Je ne reviendrai pas, le passé est passé. Délivré, désormais plus rien ne m'arrête. Libéré, délivré, plus de princesse parfaite.